avec moi si tu veux vivre. Et une chose encore. Ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça chez lui. Bienvenue dans Date de sortie, un podcast ciné qui découvre ou redécouvre des films de manière rétrospective en fonction de leur date de sortie. Alors moi c'est Jess et je suis en compagnie de mes trois mousquetaires préférés, à savoir Flo, Tom et Storm. Comment ça va les mecs? Ça va bien. Ah on est... Donc t'as choisi les mousquetaires. Quelle intro. Alors, c'est tu vois, incroyable. Je l'avais prévu. Elle a donc choisi les mousquetaires. Qu'on explique aux auditeurs, je vous avais prévenu qu'en termes d'intro, le mieux que je pouvais faire, c'était une comparaison avec les trois mousquetaires, parce qu'il y en a trois aussi, et que j'avais pas mieux comme matériel. Vous avez quand même poussé pour on que je fasse l'intro. On a proposé mille autres trucs. Non. Mille. Les trois petits cochons, ça marche aussi. Et le problème, c'est que la comparaison n'aboutissait pas à cause de Thomas. Parce qu'autant c'était facile, autant c'était facile de comparer Storm et Porthos, les deux épicuriens, Storm l'épicurien du cinéma, mais c'est la même chose. Flo, je te mettais plus dans le côté d'Artagnan téméraire, point de vue du goût des comédies, que tu... parce que ce que les auditeurs ne savent pas non plus, c'est que moi j'ai la liste des films que Flo a choisi pour les épisodes à venir, et il y a du spicy. Donc, d'Artagnan, mais alors Tom... ne pouvait être que Richelieu dans le Dumas Universe, tu vois. Je ne pouvais pas te mettre en tant que mousquetaire, et du coup, ma comparaison s'autodétruisait. Et je... parce que, tu vois, à l'instar de Richelieu qui a en dédain, en dégoût total pour la cour, la monarchie, les choses établies, t'as Thomas qui crache sur des monuments du cinéma tels que... Hans Zimmer ou Fast Five, et je ne peux que faire la comparaison. excusez-moi, en parlant de personnes qui crachent sur des monuments, qui c'est qui crache sur le parrain? Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai pas craché sur le parrain. C'est pour savoir. Ouais. Et craché sur Coppola. Tout ça parce Coppola. Que c'est un film de Coppola. Ok, mais du coup, la comparaison ne fonctionne pas avec les mousquetaires et j'avais pas de meilleure intro que ça, et voilà. Mais est-ce que vous allez bien quand même? Oh, ça va, oui, ça va. Faut peut-être demander aux auditeurs si eux vont bien après cette intro. Voilà. Pas trop choqués. C'est ça. C'était différent. N'hésitez pas à réagir. Mais non, mais n'hésitez pas à réagir sur le compte de date de sortie. Après, je pense que ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va plus faire d'intro, on va plus se prendre la tête. On va juste dire salut, c'est Jess, Storm, Tom non, et Flo. Non, mais après, je peux essayer de trouver des comparaisons avec d'autres personnages, tu vois, fictifs. Mais va falloir, ça va être galère. T'emmerde pas. Il y a les trois petits cochons. Je t'avoue, je suis quand même curieux. Dans la femme. Bah oui. Ah, ouais, peut-être pas tant attentez, que ça au final. Attendez. Flo, est-ce que ça te tente de donner aux éditeurs la date de sortie qu'on a choisie pour cet épisode et pour tous les films? J'ai la flemme en fait. Ok, super. Non, je vais. Non. C'est chaud. C'est. Je. Ok, c'est février 1985. Ben, j'allais le dire. Voilà. Et bon, du coup, est-ce que tu peux nous filer au moins les films qu'on a choisis, qu'on les annonce, qu'on annonce bien la couleur? Bien sûr, on a au programme ce soir Into the Night, de son nom français Série Noire pour une nuit blanche. On a Terminator, on a Body Double et on a Brazil. Et on va commencer par ton film, ton choix, qui est Into the Night, oui. Série noire pour une nuit blanche. Super. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous en parler? That night, he takes a drive. And Diana falls into his life. I have something they want. It's worth a great deal of money. Let's not do anything rash, Ed. This is just too weird for me. I was his mistress. Ridiculous. Jeff Goldblum. Why can't I sleep? Michelle Pfeiffer. I'm one of the bad guys. Into the Night. A dangerous romance. Into the Night. The new film from John Landis. Non, pas tellement, parce que je me suis fait chier. Voilà, allez, alors on passe au deuxième. Non, non, non. Donc ouais, Into the Night, c'est noir pour une nuit blanche. C'est un film de John Landis avec Jeff Goldblum, Michelle Pfeiffer, il y a Dan Aykroyd. Donc globalement, on pourrait se dire, ouais, plutôt. Sur le casting, ça va. Plutôt, ça va. Sur le réal aussi. Hein. Sur le réal, ouais. Oui, que ce soit sur le réal ou sur le casting, on pourrait se dire, ça va. Et en fait, c'est long, c'est lent, mais avant, je vais peut-être raconter l'histoire, peut-être. Ouais, vas-y. Pitch l'histoire. Ouais, c'est l'histoire de Jeff Goldblum qui joue le rôle de Ed Hawkin, qui se tape des insomnies. Quasiment toutes les nuits en fait, et un jour il va rentrer pour essayer de taper une petite sieste chez lui. Il va découvrir que sa femme potentiellement le trompe, enfin c'est pas potentiellement hein, vu qu'elle se fait sévèrement taper dedans, hein, pour être poli. et du coup par son collègue de bureau. Oui c'est ça. C'est ouais. Ça, par son collègue de bureau. Et du coup, sur les conseils de Dan Aykroyd, il se dit bah, tu vois, je veux partir à Las Vegas. Et au moment d'arriver à l'aéroport, oh là, il y a un petit imbroglio où il y a quelqu'un qui se fait salement assassiner. On va dire que Jeff Goldblum, voilà, il n'était pas censé être là. Donc, il est là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça va créer. Toute une spirale d'événements qui va le mener dans les bas-fonds de la Californie, quoi. Est-ce que tu veux aussi nous donner la date de sortie? Enfin, c'est sorti en février 85 en Du coup, France, février 85 ou en... Non, c'est aux US. US. Non, c'est la sortie, US. Ouais. Ok. Parce que souvent, on fait des petites pirouettes sur nos dates pour caler des trucs. Oui, qui... alors, attendez Terminator. tu l'avais vu ce film ou c'était une découverte pour toi? C'était une découverte et j'avoue que effectivement moi j'y suis allé sur le casting hein, surtout parce que les autres films de 85 j'avais déjà j'avais proposé Brazil que c'est toi qui avais pris Jess c'est... donc ouais. je me suis fait couper l'herbe sous le pied. Donc j'ai cherché un truc et je me suis dit, bon, on va chercher un petit truc qui a l'air sympa. Et effectivement, hein, sur le papier, comme on a dit, hein, le réal, John Landis. Est-ce que tu es un fan de John Landis? Ou... Parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup. Moi, ça... Non, j'irai pas jusqu'à dire que je suis un fan de John Landis. Mais ouais, non, après, c'est un réal qui... C'est un réal qui est quand même assez connu et qui normalement fait pas des trucs trop déconnants. Jeff Goldblum, ouais, si, là par contre, ouais, moi j'aime bien Jeff Goldblum. Après, j'ai pas regardé non plus toute sa filmo, mais globalement c'est pareil, hein, c'est un plutôt bon acteur, donc je me suis dit, pourquoi pas, et je sais pas, c'est long. Ouais. Ah, c'est long, ça se met en place tout doucement, mais c'est là où c'est censé être un truc où il y a de entre guillemets de l'action non-stop, mais au final il y en a pas. Il y a des petites touches quand même d'humour qui sont glissées par-ci par-là, et je trouve quand même mine de rien que ça fonctionne. Pas tout le temps, mais ça fonctionne. Ça fonctionne toujours plus que les Charlots, en tout cas. Oh. je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que le film, il est étiré en longueur et il en souffre en fait. C'est long et t'as l'impression effectivement de te dire, je sais pas comment tu fais pour être insomniaque parce que moi je m'endors devant ce film. Je l'ai regardé en plusieurs fois et je pense que grand bien m'en a pris parce que ouais, toutes les demi-heures j'étais oh, ok, allez, pourtant toutes les demi-heures, mais tu fais, oh, allez. Et puis sur la fin, pareil, encore 20 minutes, encore 10 minutes, mais il y a encore beaucoup trop de trucs là, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est... Bah, il dure quasiment 2 heures, hein, ouais, 1h58, je crois. Alors que je pense que 1h30, 1h40, grand max, c'est. Ouais. Ça aurait été largement suffisant pour ce qu'il a raconté. C'est ça. C'est long et ça en rajoute même. Ça amène des personnages et d'autres personnages. Et tu fais, mais on en a strictement rien à foutre. Arrête de faire une profusion de personnages. T'en enlèves 4-5. Et tu rajoutes ces caractéristiques des 4-5 personnages que t'enlèves à d'autres qui sont dans le film. Et je pense que ouais, tu peux gagner du temps. Tu y gagnes à fond. Parce que sur le papier, c'est pareil, c'est pas un truc qui a l'air d'être un mauvais film, mais... Tom, tu lui as mis 3 étoiles sur Letterboxd, est-ce que tu peux nous justifier mais moi, son... Non. Ah, pourquoi est-ce que non, tu lui as mis 3 étoiles? J'ai mis 2 étoiles. Flo. Parce que pour moi, les films 3 étoiles, c'est ce qui est dans la moyenne. Parce que 2,5, je trouve que ça, même si je sais que c'est la moyenne, hein, 2,5, ouais. Mais je me dis 3, c'est vraiment c'est la moyenne. Et c'est pas non plus à chier, c'est juste que c'est hyper long, quoi. Ok, mais en t'entendant parler, je te trouvais plutôt négatif que positif sur le film. Je m'attendais à ce que tu sois un avis d'une étoile dessus. Non, pas forcément, parce que comme je te dis, il y a des moments. D'humour qui pour moi fonctionnent plutôt bien. Alors j'ai pas rigolé à gorge déployée, mais voilà, ça passe. L'acting, bon voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. La VF, c'est qui fait les... Ah, tu l'as regardé en français? Ouais, je l'ai regardé en VF. Elle est pas fofolle. D'accord. Elle est pas fofolle, la VF. Ah. C'est donc je pense que ça m'a pas aidé non plus à rentrer dans le film. Et si je retente, je pense que je le retenterai pas, hein, on va pas se mentir, mais si je le retente, je le regarderai, je pense, en VO cette fois. Mm-hmm. Parce que la VF, effectivement, ça souffre un petit peu de ce truc-là. Quand t'as un vieux qui est à deux doigts de mourir dans son lit et il a une voix un petit peu comme ça, machin, tu fais, bof, ouais, allez, non, bah non, c'est non. Ouais. C'est... Tom, donc, voilà. Du coup, tu lui as mis 2,5, toi, Tom. Sur, est-ce que tu es ouais. plus ou moins d'accord avec ce que Flo vient de dire, ou toi, est-ce que tes problèmes sont ailleurs ? Alors, ça recoupe un petit peu, ouais, notamment sur la longueur du film, où c'est effectivement, parce que je le disais, là, hein, il fallait 20 minutes de moins quand même pour ça aurait dynamisé beaucoup plus, parce que pardon, t'as vraiment des passages qui sont très très longs, qui tirent en longueur le truc. Alors j'aurais dû effectivement me rappeler de la filmo de John Landis avant, parce que j'étais très surpris du ton du film. C'est une sorte de thriller comédie. Ouais, c'est un genre qu'on a pas vraiment l'habitude de voir. Et puis bah ensuite tu dis bah oui, John Landis, mec qui a fait les Blues Brothers, qui a fait Un fauteuil pour deux, forcément c'est un petit peu tu voilà, c'est lui, c'est son truc, c'est d'essayer d'amener de l'humour, de faire rire. Et d'où certainement d'avoir les quatre pieds nickelés les plus abrutis de la terre, dont lui, oui, on le reconnaît absolument pas, hein, mais c'est un des quatre terroristes, ou des quatre hommes de main là qui font n'importe quoi, qui font connerie sur connerie, enfin bref, et qui s'y prennent comme des gros emmanchés. Non, j'étais aussi très quand j'ai vu le, j'avais rien regardé du tout, donc j'ai découvert le casting au moment du générique. Et là, bon, tu dis ouais, quand même il y a du monde. Mm-hmm. T'as même une apparition David Bowie. Ah bah voilà, ça y est, oui, de David Bowie. Ouais. Je me suis dit, tiens, David Bowie, ouais. Bon, allez, ouais, pourquoi pas, allons-y quoi. Et puis bon, comme je le notais sur ma mini critique sur Letterboxd, on part quand même du postulat que Michelle Pfeiffer, c'est probablement la plus belle femme du monde dans les années 80-90, donc voilà, et elle le prouve, hein, voilà, largement dans ce film, encore une fois. Donc ouais, ça me, j'étais assez hypé, et puis le soufflet retombe, même si le principe me plaisait bien. Au début je pensais qu'on allait avoir une unité de temps, c'est-à-dire que ça allait vraiment durer que cette journée qui se termine pour lui, cette journée de merde qui se termine pour lui, et puis la nuit, et en fait non, puisque il y a une facilité scénaristique où il passe toute une journée à dormir et à attendre dans un tunnel, et puis finalement ils repartent sur une deuxième nuit. Bon, ok, allez, on prend, mais voilà, je trouvais cette tentative intéressante, mais après voilà, pour moi le film reste pas fou, quoi. C'est sympa, mais sans plus. Storm, tu te situes où ? On va rejoindre, hein, pour le coup. Ambivalent, t'es entre les deux, ou bien t'es plus négatif que positif ? Je vais être un peu plus comme Tom, dans le sens où... Alors, pour le coup, je l'avais pas vu. C'est un des landis que j'avais pas vu. Moi non plus, hein, donc, c'était découverte. Quand je vois landis, je me dis « Ouais !» Quand je vois Fife, Golou, « Ouais !» Et après, j'ai vite quand même déchanté, quoi. Et je pense que le film, il a un gros problème de rythme, en fait. Je pense que c'est son vrai problème, c'est ça. Et c'est vachement étonnant de sa part, parce qu'effectivement, quand tu vois la filmo, en tout cas niveau, on va dire, comédie de John Landis, t'as pas ces ressentis-là si tu prends les Blues Brothers, si tu prends, Un fauteuil pour deux, les Triamigos, même le flic de Beverly Hills 3 qui est souvent décrié. Oui. T'as pas ces problèmes de longueur-là que tu vas retrouver dans celui-là. Et c'est con, parce qu'il y a des passages, je trouve, qui marchent vraiment bien, parce que il y a des passages de comédie qui sont assez fun, comme disait Flo, tu vas pas rire à gorge déployée, mais ça fonctionne. Je trouve que ça va te mettre un petit sourire, ça te met une petite banane, c'est cool. Mais de l'autre côté, tu vas te perdre dans des longueurs qui t'amènent à pas grand-chose. Donc ouais, j'étais déçu. Pour le coup, j'étais assez déçu. Bah oui, donc, parce que c'est là qu'on voit où il est efficace, John Landis, sur les moments de comédie qu'il met en place. Tu te dis oui, ça fonctionne, mais c'est que sur des petits laps de temps de quoi, de 5 à 10 secondes, c'est de la gestuelle, et puis Et puis après, ça, voilà. Et c'est vrai que c'est dommage. Parce que, et surtout, quand tu vois le reste de sa filmo, c'est hyper dommage de voir ça. Alors après, peut-être que c'est... Enfin, j'ai envie de dire, c'est dans ses débuts, oui, mais bon, il y a quand même déjà le Blues Brothers avant, il y a déjà quand même pas mal de films avant. Il y avait Le Loup-Garou de Londres, il n'y a pas une comédie, mais enfin, Karim quand même a balancé des plans de comédie dedans. Donc ouais, c'est ce qui m'a vraiment déçu, c'est ça. Je m'attendais vraiment à un film où quand... Alors, c'est un petit peu long à se lancer, entre guillemets, mais dès qu'il part, tu dis bon, c'est bon, ça va être un espèce d'un peu de roller coaster. Je pensais, comme Thomas, je me suis dit, on va se taper toute la nuit, donc tout va se dérouler sur la nuit, un espèce de one shot, et puis... Et en fait, non, ça va traîner, il va là-bas, il passe une nuit qui sert à pas grand-chose, en plus. Donc ouais, j'étais un peu déçu, donc ouais, J'ai l'impression qu'effectivement, ce qui fait peut-être aussi la longueur, c'est que on nous promet de l'action, mais en fait, t'as plus l'impression qu'il passe son temps à attendre. Ouais, non, mais c'est même que ça, hein. Souvent, il attend dehors. Donc après... Mine de rien, je trouve quand même que c'est assez long, je trouve quand même que le développement de son personnage n'est pas si déconnant. On est sur quelqu'un qui se fait bouffer, entre guillemets, par sa femme, etc. Ça se voit dès le début où elle lui enlève directement son petit-déj et tout. Alors qu'il n'y a pas touché. Ouais, c'est ça, alors qu'il n'y a pas touché. Et à la fin, c'est le mec qui va se dire « Ok, maintenant, je pue le charisme. » Sur un coup de tête, je pars en avion. Sur un coup de bluff et un coup de tête, je pars. Donc ouais, non, moi, mine de rien, c'est ça qui, pour moi, sauve un petit peu les moments de comédie et le développement du personnage. Mais ouais, ça en fait pas pour autant un film... C'est pas un mauvais film, mais... Il pécho même pas Michel Pfeiffer. En plus. Non, c'est vrai, en plus. Ouais. C'est vrai. Ouais. Il trouve le moyen de même pas la pécho. Tu sous-entends peut-être qu'à la fin, ils vont se pécho quand même. Quoi. Ouais. Elle revient quand même, quoi. Non, bon. Mais... Ouais, c'est ça qui est dommage, parce que le cast est vraiment top en plus, donc ça a vraiment tout pour être vraiment bien, et au final c'est que moyen, et c'est vraiment dommage avec tout ce qu'il y a au niveau acteur, au niveau réel, tout ça, il y avait vraiment moyen d'avoir quelque chose de beaucoup mieux. Donc c'est pas une purge, hein, mais voilà, je l'ai vu, et je pense que c'est fini, quoi. Enfin, je le rematerai pas, quoi. Pour le coup, c'est un long disque, je le rematerai pas. Non, je pense pas non plus. Non, moi non plus, c'est pas... Et toi, Jess, pourquoi toi t'as mis 5 étoiles à ce film? Sachez juste que Jess est en train de nous regarder avec un regard, mais elle est en train de nous juger de comme jamais. En fait, je comprends même pas qu'on donne une demi-étoile à ce film. J'ai détesté et détesté de toute mon âme cette expérience atroce de ce film complètement what the fuck. Comme vous, de nouveau, beaucoup trop long, c'est un gros problème. Tu ne comprends pas pourquoi on mettrait une demi-étoile, mais tu as mis 1,5. Ok, j'ai mis 1,5. Putain, je sais même pas pourquoi, il faut que j'aille rechanger ça. Parce que plus ça marine dans ma tête, plus je suis là, non, mais en fait, il n'y a rien qui va dans ce film. Premièrement, ça me dit que c'est censé être une comédie thriller. À quel moment c'est drôle? À quel moment vous rigolez dans ce film? Cite-moi un gag qui fonctionne. Ah non, mais c'est des petits sourires. C'est des petites amorces parce que je pense que il a voulu plus tirer entre guillemets sur le thriller. Ça n'a pas fonctionné. Mais il a quand même ces petites amorces de comédie où quand t'as les quatre sbires qui sont en train de manger les cacahuètes, machin, qui courent dans la rue partout, ça croule sur la table. C'est un début de truc, mais ça va peut-être pas jusqu'au bout. Mais après, bon, venant de quelqu'un qui a aimé déjà c'est pas drôle. Qui met la même note au Charlot qu'au Parrain. Lols. Le seul truc que j'ai trouvé drôle, c'était l'espèce de score complètement jazzy, upbeat, avec des trompettes pendant les courses en voiture qui détonnaient complètement avec ce que tu étais... Tu étais censé voir une scène d'action dans un thriller et tu me mets une bande-son du cirque Panzani du coin, tu vois, enfin... Qu'est-ce que tu fous, man? Le racisme. Panzani, c'est des pâtes, hein, en plus. Décomplexé, quoi. Les cirques, vous n'aviez pas des cirques itinérants qui venaient en été dans votre village? Oui, mais ils ne s'appelaient pas Panzani. Si, c'était des cirques. Ils ne s'appelaient pas Panzani. Chez nous, c'était des noms italiens. Ouais, Zavata. Ah, Zavata, ouais. Oui, mais sauf que nous, on n'invente pas des noms, c'est des vrais noms. Ouais, mais j'ai oublié le nom du cirque. Parce que moi, Panzani, pour moi, c'est une marque de pâtes, mais. Peut-être qu'on avait un cirque de sucre. On s'éloigne. C'est un cirque Barilla. Ouais. Oh my god. On s'éloigne totalement du point crucial du fait que ton film c'était un enfer pas possible. À partir du moment où elle débarque sur le capot du mec qui a l'aéroport dans sa voiture parce que comme vous l'avez dit, il est insomniaque, qu'il a remarqué que sa femme le trompe et donc en soir, il arrive pas à dormir, il se dit je vais aller à l'aéroport parce que son pote lui avait dit vas-y, va à Las Vegas, tape-toi les putes. Soit. Il va à l'aéroport, elle débarque sur sa voiture. À partir de ce moment-là, j'en avais déjà plus rien à foutre de ce qui se passait dans ce film. Je ne supportais pas les personnages, je ne supportais pas lui, ce qui ne changera pas du tout du long. L'action est nulle, elle est lente, il n'y a pas de rythme. C'est filmé, j'ai l'impression de voir un film des années 70 et pas un film des années 80. Je ne comprends pas, Si de base, tu peux pas blairer le personnage principal, effectivement, ça va être compliqué Il est mal écrit, quoi. On me le présente. Le problème, c'est que séparément, j'adore Michelle Pfeiffer et j'adore Jeff Goldblum, mais dans ce film ensemble, peut-être sous cette direction de John Landis, il y a rien qui se dégage. Il y a entre eux, ça passe pas. L'alchimie, je la sens pas. Peut-être que frère sœur, je sentirais une relation qui s'installe où lui, il sera en plus un mentor pour elle. Mais à aucun moment, je ressens une espèce de romance. J'en ai rien à foutre de leur arc narratif respectif, autant elle que lui. Pourquoi tu me fous des personnages? Il essaie d'écrire un roman à la John le Carré, mais on est sur un film qui ne peut pas atteindre ces ambitions-là. Et la comédie, il n'y a rien qui est drôle, il n'y a rien qui fonctionne. On se fait chier tout du long. L'histoire est beaucoup trop alambiquée pour ce que ça raconte de toute façon et pour ce que tu essayes de nous raconter. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est trop long. C'est deux heures de ça. Tu n'en as rien à foutre de personne. Ils te rajoutent des personnages. T'es là juste, mais vas-y, tue-en un, histoire qu'on change de set, tu vois. Enfin, impossible. J'ai détesté, j'en pouvais plus. J'ai décroché super tôt. Et à la fin, qu'est-ce que c'est ce délire de quand le mec s'est tiré une balle dans la tête? Derrière, sur le mur, t'as des espèces de spray à la bombe couleur rose framboise parce qu'ils avaient pas de budget pour du faux sang. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tout du long, c'est des trucs comme ça. C'est nul. Ah non, nul, mais ça, nul. C'est le sang des années 80. Hein. C'est, bah, c'est merci, un peu... Tom, pour non, ton c'est avis. Faux, parce que, parce que tu regardes Terminator sur le faux sang, j'ai pas l'impression de voir une bombe lacrymogène rose framboise. Parce que c'est du vrai sang dans Terminator. Non, mais je ne comprends pas ils que vous donnez la moyenne à ce film. C'était nul. On se fait chier tout du long. Il n'y a rien qui fonctionne. La réal, elle est molle du genou, quoi. Comme nous, on n'a pas compris que tu donnes 3 étoiles au Charlot, tu vois. Il y a des choses incompréhensibles dans la vie comme ça, Jess. Okay. On n'a pas compris que tu compares. Moi, non, mais tu vas traîner ce boulet. Ce n'est pas sans boulet, j'ai le droit de kiffer un film qui ne vous a pas plu, c'est le concept. Mais je me sentirais jamais mal d'avoir aimé le Charlot. Tu peux continuer pendant 30 ans, j'en ai rien à la gueule. Mais ce film aussi, c'est nul. Il prend déjà une étoile parce que c'est John Landis. J'ai donné l'étoile rien que pour lui, de toute façon, déjà de base, moi. Donc, moi, je crois que c'est peut-être pour Michelle Pfeiffer, parce qu'elle reste quand même, comme Tom l'a dit, elle est magnifique. Et dans ce film particulièrement. Après, c'est pas Landis qui a écrit le scénar, hein. C'est pas de lui. Hein. Lui, il a que réalisé. Ouais, mais c'est, le scénar est nul, tout est nul. Ce film, tout. Pourquoi est-ce que. Peut-être que ça a été greenlit parce qu'il y avait des gros noms attachés au projet. Parce que tu te dis, Goldblum et Pfeiffer dans un film ensemble, ça pourrait être un bon outil marketing. Mmh. Mmh. Sur papier, je peux comprendre. Mais alors, dans la pratique, difficile, quoi. Bah après, il suffit de voir quand Goldblum il a fait Le Seigneur des Anneaux. Hein, ça a bien fonctionné. Hein. Quand Goldblum il a fait Le Seigneur des Anneaux, waouh. Magnifique, ouais. Magnifique. Oui, bon, bah, elle allez, le jingle. Je pense qu'elle ne l'a pas. Le jingle, elle ne l'a bon. Pas. Non, Jess, tu l'as toujours non, pas. Non, je ne cherche pas. Je sais pas. Goldblum dans Le Seigneur des Anneaux. Gollum. Voilà, merci. Mais c'est même pas drôle. Gollum, Goldblum. Oui, non, d'accord, bah, ça. Voilà. Mais c'est, tu vois, c'est ça ton problème. C'est pas ça. Dire Jeff Gollum. Jeff Gollum. À toujours être dans ta tête et être. Ah ouais, les mousquetaires, comment je vais pouvoir faire, machin. Et bah, tu trouves plus rien drôle. Il est là ton problème, Jess. Je t'avoue que c'était galère parce que. Soit, tu couperas ça au montage, Storm, évidemment. Ça marche. Surtout pas. Ok. Enfin bon. Parce qu'on s'embarque dans. Ça, on parle même plus du film. Non, mais c'est très décevant. C'est vrai que pour du Landis, c'est. Enfin, franchement, oui. Quand tu vois ça filmé, oui, c'est... ça fait mal quand même. Enfin, c'est... comme dit. Enfin, voilà, ça fait chier. On doit ouais, moi je me suis emmerdé. Prendre le loup-garou. Donc, je regarderai jamais ce film une deuxième fois. Pas possible. C'est sûr que je le remettrai pas. Ça tombe bien, on est quatre à ne pas vouloir le revoir une autre fois. Ah, si, t'as ouvert la porte à la version originale quand même, Flo. Je t'avouerai que même la VO, j'y retournerai pas non plus. Hein. D'accord. Tu vois, tant que le pied de Jeff Goldblum n'est pas dans la porte, je vais la refermer la porte, je pense, tu vois. C'est... On va pas se prendre la tête. Est-ce que ça vous tente qu'on passe au deuxième film, Body Double le film de... Bon, bah, de toute façon, on n'a plus grand-chose à dire sur le movie. Je vois bien qu'on tourne en rond, donc... À part qu'il y a plein de caméos rigolos. Il y a David Cronenberg qui est dedans. Un petit caméo aussi. Ok, mais le scénario n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est fastidieux pour arriver à une conclusion complètement stupide. Et puis tu nous fais... C'est passé au deuxième film, là, déjà. Déjà, même l'histoire, elle est stupide. Enfin bon. Non, non. Donc pour moi c'était pas vraiment une expérience enrichissante ce Into the Night. J'ai pas trop du tout aimé et ça m'a pas donné envie de regarder plus de trucs de John Landis parce que je connais pas trop son cinéma, mais je crois pas que je vais. Honnêtement tu peux y aller quand même. Hamburger film sandwich, t'as les Blues Brothers, John t'as Landis, longue, un fauteuil pour Coppola. Deux. Bon, ça fait beaucoup là, non? Franchement, un prince à New York. Un prince à New York. Blues, j'ai vu le Blues Brothers. C'est pas des films qui m'ont riveted. Tu vois, ils sont pas restés avec moi plus que ça. Innocent Blood, qui est un film de vampire qui est très bien. Là, tu peux y aller. Ok. Enfin, normalement, c'est pas mauvais. Hein. Je n'en dis, c'est ça qui est dommage. Moi, ça me tente pas plus que ça. Parce que ce truc-ci, ça m'a vraiment... J'ai fait un rejet total. Je m'en remets à peine. T'as vu Loup-garou de Londres? Oui. Ouais. Ah ouais, ça, c'est de lui aussi. Ah oui. Ça, c'était bien, par contre. Ah bah, finalement, ça, j'aime bien. Pas, du coup. Non, ça, j'aimais bien. Ça, c'était pas mal. Je te dis... T'essaieras Innocent Blood, je pense que ça peut te plaire. Ok. Film de vampire qui était vraiment pas mal avec Anne Parillo. Mais ouais, mais du coup, on passe à Body Double? Ouais, Body Double. Body Double. Body Double. Vas-y, Tom. Dans le bol. He thought he was watching her, but she was watching him. He thought he was trespassing, but he was invited. He knew he had gone too far. He couldn't stop. He saw exactly what she wanted him to see. Modern master of suspense invites you to witness a seduction, a mystery, a murder. Body Double. You can't believe everything you see. Ouais, je vous ai proposé Body Double, un film de Brian De Palma. J'ai proposé ce film, je crois que la date de sortie était, j'ai pas revérifié, mais je 95, crois que c'était... 95, je crois. Ouais, non, mais je crois que c'était la... je crois que c'était la... C'était la bonne date de sortie, France ou États-Unis, une des deux était OK. On n'a pas eu besoin d'aller chercher une obscure sortie au Venezuela pour... Personne pour, fait ça. Pour, ouais. Non, personne ne fait ça. Ou en Algérie, c'est le titre original, c'est aussi le titre français, c'est aussi le titre québécois. Body Double. Alors, c'est un film donc, de Brian De Palma qui n'a pas bien marché. Hein, c'est 10 millions de dollars de budget, 8 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Je te coupe hein, pour Body. Je me trompe pas quand même. Pour Body Double, Body Double. Donc pour février 85, on est bien d'accord ? Oui. Oui, donc c'est pas les États-Unis, hein, c'est soit Hong Kong, soit l'Australie, soit le Japon, soit le Danemark, soit la France. Ah d'accord. Voilà. Ok. Et tu choisis. Ah, l'embarras de la France. Peut-être. C'était donc la France. Ouais. Moi j'aurais pris Hong Kong, mais bon. Oui, pour le fun, j'aurais pu dire, ouais, voilà. C'est sorti à Hong Kong. Ouais. Ouais. En France, moins de 500 000 spectateurs, voilà, c'était ça a été... Effectivement, le four. Ça a été le four. Sur le casting, forcément, j'avais entendu parler de Melanie Griffith, ouais. Et on va en reparler un petit peu plus tard quand on va parler du film. Les autres personnages du cast voilà n'étaient pas hyper connus hein. Craig Wasson qui joue le personnage principal, Greg Henry pareil, tout ça c'était des acteurs pas connus. Moi j'ai juste un moment vu apparaître Dennis Franz parce que j'ai fini de regarder la série NYPD Blue, ouais. Et donc et lui joue dans toutes les saisons de cette série là. C'est un acteur que j'aime bien, bon il joue un tout petit rôle dedans, mais et surtout j'avais choisi ce film là parce que d'une je l'avais pas vu et c'était un petit peu sur ma watchlist. Et j'avais toujours entendu des bonnes critiques sur le film, voilà, qui était, ça revenait quand même en général. Le consensus était que c'était un De Palma plutôt sympa, plutôt réussi. Qui s'est construit sur le tard quand même. Il a ouais. Fait sa répute après. Hein. Forcément comme ça a été un échec, c'est souvent le cas des films qui n'ont pas bien fonctionné et qui ensuite acquièrent cette petite réputation au fur et à mesure des années quoi, et qui deviennent je vais pas dire des classiques mais en tout cas des films où on se dit il faut l'avoir vu, et Body Double m'apparaissait comme ça. Et je dois dire que j'ai vraiment eu deux parties dans le visionnage du film, où les deux premiers tiers, les trois premiers quarts du film, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que je regarde? Qu'est-ce que c'est que ce film? Où ça va, ouais. Est-ce vraiment un Brian De Palma? Est-ce que j'ai pris de la drogue? Ouais, où est-ce que ça va? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et tu as le switch du du dernier tiers du dernier quart. J'ai pas regardé la durée à ce moment-là. J'ai pas regardé la fin. Ouais. Ben j'aurais ben, si j'avais pas regardé la fin, je pense que j'aurais mis une étoile ou une demi-étoile au film. Mm. Effectivement. Et tu pars dans un truc complètement différent. Alors comme d'habitude, hein, on spoil, hein, donc voilà, si vous avez pas vu le film, surtout ne nous écoutez plus. Après, quand on 85, ouais, quand même, bah, calmez-vous les oui, gars. Il est pas tout jeune, on est d'accord. Mais bah, tu vois, 85, moi perso, je sais pas pour vous, faites mais un effort, regardez, généralement les titres de films sont mis dans la description de l'épisode. Oui. Et quand tu bascules sur cette partie monde de l'érotisme, monde du porno, t'as un switch qui s'opère et plus l'impression que c'est le... Ouais. Si, t'as l'impression que c'est De Palma qui le fait, mais t'avais l'impression qu'avant, c'était pas lui qui avait fait le début du film, en fait. Et c'est très bizarre. Et pour moi, cette dernière partie, en fait, a totalement fait remonter. Alors que d'habitude, je me dis... en général, quand les deux premiers tiers sont foirés, il n'y a aucune chance que le dernier tiers rattrape le coup, moi, sur un visionnage. Et je crois que c'est une des premières fois, en fait, où ça me fait ça, où je me dis, ah ouais, en fait, ça rattrape pas les deux premiers tiers du film, mais ça rend l'intérêt sur l'objet filmique que je suis en train de voir. Et j'ai trouvé ça, pour le coup, vraiment pas mal. En plus, c'est le switch s'opère au moment où t'entends la musique de Frankie Goes to Hollywood. Ouais, voilà, qui est très particulière. Ouais, et puis j'ai regardé après sur Internet et tout pour me dire, attends, la musique était sortie à peu près au même moment. Oui, la musique est sortie à peu près au même moment. Et la musique a aidé le film et le film a aidé la zik en plus. C'est lié. Voilà. Ouais, non, mais c'était. Enfin, le clip de Relax est totalement lié en fait à ce monde de la nuit, ce monde très dont on n'a pas l'habitude en fait que ce mec découvre à ce moment-là. Et voilà. Et donc ça rattrape le truc. En plus l'intrigue criminelle, je dois dire que j'avais pas prêté plus attention à ça, donc même si j'avais regardé le casting et que l'Indien n'apparaît pas dans le casting, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Mais pourtant, tu vois, j'ai pas vraiment fait attention à ça, donc j'ai pas capté le twist du truc, ce qui m'a donné la petite surprise du truc, et puis oui, enfin toute la construction de ce meurtre en fait se justifie à la fin, et puis je me dis, ah oui, bon, ok, c'est finalement logique et pas trop mal amené, voilà. Donc excusez-moi, j'étais non, un peu non, long non, c'est cool, là-dessus, mais voilà, c'est pour dire que ouais, ça a été quand même une expérience, et surtout première fois que un film où je sais pas où ça se barre dans les trois premiers quarts est rattrapé complètement par sa dernière partie. Et voilà, au moins j'aurais eu cette satisfaction-là. Et vous ? Ouais, je vais te reprendre, Tom, là où tu restais, mais parce que moi, ce film, j'ai adoré. Je connaissais même pas de nom, je savais pas. Le truc que j'avais fait, c'est que j'étais allé voir le pitch sur IMDb, j'avais pas regardé le réel, pas les acteurs, juste de quoi ça parle, et ça me tentait suffisamment que je l'ai lancé assez tôt dans les visionnages. Souvent, ceux qui me tentent moins, je les garde pour la fin, on va savoir, c'est pas forcément la meilleure tactique, mais peu importe. Et celui-ci me tentait vraiment bien, et je l'ai lancé à l'aveugle, en sachant rien, et quand j'ai vu De Palma, je me suis dit, c'est dans les crédits au début du film, je me suis dit, ah cool, parce que généralement, je vais bien avec sa réelle, et avec ses films. Et moi, ce film, honnêtement, il m'a entraîné dans une expérience inoubliable. J'oublierai jamais mon premier visionnage de ce film, tellement le film n'a cessé de se renouveler tout du long et de me surprendre tout du long. Et par exemple, toute la partie au début du film, enfin jusqu'à ce que la madame se fasse voler son sac à main, moi je pensais qu'on était parti sur un film un petit peu arty, avec une espèce de... une espèce de, d'idée où en fait le personnage de l'Indien, c'était une représentation métaphorique de la partie de l'identité du protagoniste qu'il refoulait, parce que lui, il était en voyeur. Et d'ailleurs, ce parti pris de Palma de nous mettre tout du long du film dans cette position de voyeur au deuxième degré est vraiment très malaisante, parce qu'il nous pousse toujours à être des spectateurs et à ne pas pouvoir détourner le regard, même quand les actes que l'on voit deviennent de plus en plus dérangeants. On est toujours obligé d'assister au spectacle. Et donc, moi, je pensais que nous, comme on voyait que le gars, il avait des... Comment on dit un stalker en français ? Un stalker, c'est un voyeur. C'est un stalker. Un voyeur, dis pareil. Ouais. Ok. Que lui, il avait clairement des tendances de stalker et de voyeuriste. Et que donc, il justifiait, parce que dans sa tête, il avait ce complexe de héros où lui, il essayait d'empêcher l'Indien de faire du mal à cette femme. Et donc, ça justifiait le fait que lui puisse pouvoir suivre cette femme dans ses allées et venues de manière complètement injustifiée et de la regarder se déshabiller dans des cabines et tout. Et tu te dis, mais c'est lui qui est taré. Et moi, je pensais que l'Indien, c'était son esprit qui se dissociait, en fait, qui avait un problème de personnalité, et que le personnage de l'Indien, parce qu'il est tellement grotesque avec ses prothèses, au point où tu questionnes même son identité, est-ce que c'est une femme, un homme, tu sais pas trop, mais ce personnage est trop grotesque. Et moi, je pensais, ben du coup, il n'existe pas, et on est sur un film hyper chelou. Et en fait, à partir du moment où l'Indien vole le sac à main, là, le film me prend de travers, parce que je me dis, ben du coup, il est réel. Et puis là, on part sur une scène de slasher complètement dingue dans la maison, où nous, toujours en position de voyeur, on est obligé d'assister à ce meurtre absolument atroce, avec une arme de crime complètement démesurée, c'est le cas de le dire, une espèce de... Comment on appelle une drill? Une perceuse. C'est un bon forêt, sa mère. Énorme. Et c'est super dérangeant pour nous, parce qu'on est obligé d'y assister. Il fait tout pour qu'on ne détourne jamais le regard, même quand ça devient extrêmement malaisant. Et après ça, le film change de nouveau. On part en murder mystery avec une scène où lui qui... Et puis on va sur du soft porn avec cette scène complètement dingue de plan séquence où lui passe une audition pour un film porno parce qu'il a repéré que la meuf qui l'observait au télescope et qui dansait presque nue dans sa chambre, en fait, c'était une actrice porno qui était un body double, quoi, tu vois, qui avait volé l'identité ouais, le temps ça, d'un... Ça, j'ai trouvé le... C'est, pour moi, c'est un peu une facilité... où tu te dis, mais attends, le mec, comme par hasard, regarde le truc porno, comme par hasard, à cette heure-là, à ce moment-là, il voit l'actrice et il se dit, ah ouais, en fait, c'est elle. Ah, bon, moi, je m'en foutais, j'étais tellement dans cette histoire, encore des plus grosses ficelles, s'il te plaît. Là, on est sur des nœuds marins, frérot. Bah, en même temps, ça a du sens, parce que le Los Angeles que De Palma me dépeint, c'est le Los Angeles sale, le Los Angeles seedy, celui qui est dans cet univers-là. Et donc, pour moi, le fait que le protagoniste reste tard à regarder du porno, ça colle complètement à l'univers que dépeint le film. Et je me dis, c'est totalement le gars qui épie ses voisines, qui regarde du porno le soir à des heures... C'est totalement le mec... Enfin, qui regarde du porno, faut tomber sur le bon truc, parce qu'en plus, là, ça a l'air d'être une pub. Faut tomber sur la bonne pub, sur le machin, truc. Tu fais... Mais c'est peut-être une pub en loop toute la soirée, tu vois. Faut tomber aussi sur le bon passage où la meuf, elle danse pareil, tu fais... Ah, mais ça a l'air d'être sa signature, tu vois, cette danse. Donc, à mon avis... Peu importe les pubs que tu aurais regardées sur sa carrière, tu l'aurais vu en extrait de sa danse parce qu'elle est connue pour ça. Et c'est pour ça qu'elle est reconnaissable. Moi, j'ai trouvé ce truc-là un peu trop facile pour amener la suite de l'histoire. Ok, je te concède ce point. Mais la suite de l'histoire, par contre, le plan séquence sur Frankie Goes to Hollywood, complètement dingue, qui part en comédie musicale, qui se termine en scène de cul, où de nouveau, t'es là en voyeur complet. Tu te sens bien que t'es en train d'empiéter sur l'intimité de deux personnes. Et en plus, on apprend après qu'ils étaient censés ne pas faire ça là, que parce que les caméras étaient pas faites, tu vois, en place pour filmer l'acte... de coït, quoi. Ils étaient là juste pour faire une intro parce qu'ils filment un film de cul. Et puis s'ensuit une fin beaucoup plus thriller classique avec une poursuite de la pluie. Ouais. Mais moi, le film, j'ai adoré. Ça ne faisait que me surprendre tout le temps. Je ne m'attendais à rien de ce que j'ai vu. J'ai aussi adoré la performance de Melanie Griffith qui est absolument magnifique. Elle est sublime dans ce film. C'est comme si De Palma était tombé amoureux d'elle et que dans toutes les scènes, il voulait l'iconiser. Elle est magnifique. Le personnage de l'Indien est très dérangeant et je pense que c'est un problème parce que j'aime bien en fait ce perso, mais parce que le seul personnage qui pour moi à l'écran n'avait aucun charisme, c'est le protagoniste qui pour moi ne ressortait pas du lot, parce que soit il échangeait des scènes avec Melanie Griffith qui est sublime et on ne voit qu'elle, soit il était dans le frame avec l'Indien et l'autre, la première femme, quoi, tu vois, la brune. Deborah Shelton. Et tous les deux sont plus impactants à l'écran que lui. Et à chaque fois, il est dans des scènes avec des gens qui prennent le devant sur lui, et c'est un peu chiant de l'avoir lui comme protagoniste. En plus, il me met mal à l'aise en tant que personne, enfin, sa moralité est douteuse. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un très bon acteur. Non, pas plus et que ça. Et j'ai pas trouvé non plus qu'il était forcément bien dirigé. Alors c'est peut-être parce qu'il n'était pas bien dirigé que j'ai pensé que c'était pas un bon acteur, mais ouais, c'est son casting à lui me dérange parce que en plus d'être le pire comment on comprend pourquoi il a pas de rôle, hein, en fait. Ouais, clairement. Et le truc méta, c'est pas, vous, on Et ce sera pas non plus un détective privé, quoi, hein, parce que la discrétion, c'est pas vraiment son truc. Non, il est nul en subreptition. Tiens, et si je regardais dans des cabines d'essayage. Mais par contre, Flo, tu parles du côté méta. Moi, je le trouve génial, et je trouve la séquence finale quand t'as les crédits de fin qui défilent. Cette scène complètement what the fuck où on est de nouveau sur le set de ce film de vampire complètement soft porn, et que on est dans cette séquence où il prend une douche et que justement il y a l'idée du body double où on remplace l'actrice pour la scène de cul ou pour les plans de son anatomie. On sait pas trop ce qui va se passer dans ce film de vampire. C'est la doublure Nibar, ouais, en fait. Voilà. mais moi j'aimais beaucoup parce que quand le film commence sur cette scène de qu'est-ce qu'il a, il fait de la pas de l'agoraphobie, de la claustro dans son cercueil, et que tu te dis ce set a l'air complètement low budget, qu'est-ce que c'est que ce maquillage de vampire grotesque, qu'est-ce que c'est que ce rôle complètement débile, et il se fait virer de ce job. Et j'aimais bien cette trame narrative là aussi, où tu voyais un petit peu les coulisses des films du cinéma à petit budget, et à quel point c'est difficile pour ces gens là de persévérer aussi. Non, mais c'est vrai que le contre-pied du début, du générique du début, où t'as le sang là sur les lettres, et puis tu vois que ça descend, et tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, et puis après en fait c'est juste un acteur machin, tu te dis ah putain ok, le contre-pied, je dis ouais ok d'accord, pourquoi pas. Mais je peux pas être la seule à avoir adoré ce film, je suis la seule du groupe qui a trouvé ça absolument génial. Je ne te suivrai pas sur ton adoration pour le film. Ok. Non, j'ai trouvé ça sympa. Je l'ai c'est pas sauvé détesté, par la fin, mais parce qu'effectivement, voilà, c'est sauvé par la mais, fin. Mais le début, j'ai regardé. Plus le temps passait, plus je me suis dit putain, mais en fait, je suis en train de faire une descente. Je suis en train de faire une descente de drogue. C'est pas possible. Oh, pourtant, j'en ai pas pris. À chaque fois qu'il... Moi, ce qui m'a agacé, c'est à chaque fois qu'il regarde, qu'il joue le voyeur, la même musique, comme ça, tu fais « Ah, elle m'a agacé, elle m'a crispé, cette musique !» J'ai fait « Putain, arrête !» Bah, c'est une musique un peu soft porn, hein. Ouais. Je me suis dit « Mais pourtant, non, j'ai pas allumé M6, on n'est pas le dimanche soir, je comprends pas. » et ouais, non, c'est effectivement, le gars, on est sur un mauvais casting... le fait qu'il soit claustro au final, tu t'en bats un peu vite les reins, Et c'est vrai que la fin, tu te dis, mais attends, c'est quoi ce truc avec l'Indien ? C'est il y a un mec chef de chantier qui va arriver aussi, il y a un marin, ils vont faire une chorégraphie, je sais pas. et en fait, tu vois que à la fin, effectivement, t'as toute la résolution où tu vois qui est l'Indien, que c'était des prothèses, etc. Bon, enfin, tu l'avais deviné depuis le début, hein, mine de rien, que c'était des prothèses. Sinon, je dirais pas depuis le début parce que moi, c'est au moment où j'ai compris que le mari. Depuis vraiment où tu le vois en assez gros plan, quand il vole le sac. Tu sais que c'est des prothèses. Mais moi, je me disais, ok, peut-être manque de budget. Ou alors, je voulais pas être méchante et je me dis, si c'est pas des prothèses, peut-être que c'est quelqu'un, tu sais, de vachement marqué par la vie. Et ils l'ont pris pour sa gueule. Moi, je me suis dit directement prothèse parce que je me suis dit, même quelqu'un qui est marqué par la vie, c'est pas aussi. Ouais, ça faisait assez prothèse. Aussi marqué. Ça faisait trop prothèse et ça se voyait. Alors, derrière, tu sais pas qui c'est, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Donc, c'est tous ces trucs-là mais tu te dis, mais en fait, pourquoi il fait ça, comment il fait ça. Enfin, tu comprends pas jusqu'à effectivement les 5 dernières minutes où tu fais ah ok, donc en fait c'était ça, le mec il a fait ça pour ça, etc. Et tu fais waouh, ok, et là ça prend tout son sens et effectivement c'est la fin qui sauve le truc, parce que si y avait une autre fin, c'est mais qu'est-ce que je viens de voir. Ah bah, je suis pas là. Est-ce que l'expérience en elle-même, l'expérience du film en elle-même, pour en arriver jusqu'à son aboutissement, est-ce que ça vaut pas la peine en soi d'être vu quand même ? Ah si ? Ah, j'ai pas dit le contraire. Mais en fait, tout le long, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de voir ? Ouais, mais du coup, toi, t'as pas aimé le film. Il y a que la fin qui t'a fait réévaluer ton opinion, c'est ça ? C'est tu vois, j'allais dire, si, c'est un petit peu comme Into the Night. C'est, pour moi, c'est un truc qui se regarde, mais je suis pas sûr que je le reverrai. Ok. Tout Brian de Palma ce soir, etc. J'ai adoré, j'en reviens pas. Et pareil, on est sur des genres de films qui tu regardes sans regarder l'histoire, etc. Il y a un twist, etc. Une fois que tu le connais, le twist, alors effectivement, t'as une autre lecture du film, mais moi, ça m'intéresse plus. Une fois que le twist a été révélé, c'est oui, bah maintenant je sais que c'est ça. Ouais, ok. Ok. Storm, on t'a peu entendu sur ce film jusque-là. Alors, Terminator. Donc, un film de James Cameron, donc, qui est sorti. Non, je vais pas parler de ce truc, c'est à chier. Oh non, Storm, why? Dire que j'ai failli me l'acheter en 4K quand ils l'ont réédité, je l'ai pas vu, vas-y, de Palma. Et puis j'ai loupé la préco, j'ai dit bon bah tant pis. Oh putain, comme je suis content d'avoir économisé. Oh non. C'est mais pas pourquoi bien. Mais non, pourquoi c'est pas bien. Qu'est-ce que t'aimes pas? Parce que tout. Ok. Définitivement. Non, le problème, c'est qu'il y a plein de choses bien, mais qui ont été mieux faites partout ailleurs après. Donc, ou avant même, tu vois, par exemple, tu prends le côté voyeur, il le dit lui-même, mais c'est tout de l'inspiration d'Hitchcock. Bah, je vais aller voir Sueur Froide ou Fenêtre sur Cour, tu vois, je vais pas aller voir. Je m'en fous de regarder ça. À la limite où je vais être d'accord avec Tom, c'est que je trouve que le film devient intéressant quant à la transition, effectivement, où il passe dans le côté de la nuit. Moi, l'Indien, je l'ai pas capté plus que ça parce que je regardais ça entre quatre yeux, alors que la femme, elle me l'avait dit dès le départ. Bien, je suis sûr que c'est lui. Ouais, si tu le dis, ouais, je m'en fous. En fait. Waouh! Ah oui! Et pour le coup, elle avait raison. Je suis plutôt chapeau. Ah bah oui! Pas mal. Et je sais pas. Je suis pas rentré dedans. Ça marche pas. Tout, je vais être comme Thomas tous les, je sais pas, trois quarts ou deux tiers, comme on veut. Ça marche pas. Moi, non. l'histoire que tu projettes son double machin, non, j'ai jamais vu ça. Non, mais ça, c'est moi qui me suis construit ça dans ma tête, je pense, parce que j'essayais d'y voir une signification mais et c'est ça marrant, paraissait parce que trop grotesque. Ça fait quand même un certain temps qu'on est plus ou moins d'accord tous les trois et que Jess, elle est toujours de la vie inverse. À fond, j'étais jamais quelqu'un dans mon fond. Non, c'est vrai que c'est rare. Mais non, ouais, bah là, je pourrais peut-être le plus dur de vous quatre, par contre. Ouais, non, moi, franchement, ça m'a fait chier, royal. Oui, parce que même pour toi, la fin sauve pas le truc. Moi, si, c'est fin, fun parce que moi, à la limite, quand t'as le plan, tu dis ouais, c'est cool le plan que le mec a fait. Tu dis là, il s'est ouais, mais je il sais s'est pas. Creusé la tête, le mec. Ouais. Après, peut-être que je l'ai vu trop tard aussi. Maintenant, je me dis peut-être que je l'avais. Il me semble pas l'avoir vu. Donc, pour moi, c'était la première fois que je le voyais en tout cas. Ou alors, j'en avais zéro souvenir. C'est zéro souvenir. Donc, je pense que c'est la première fois que je le voyais. Enfin, peut-être que si je l'avais vu il y a 20 ans, je le verrais peut-être différemment. Mais là, non. Putain, c'était dur. Sérieux, moi, c'était dur. Après, pourtant, il y a des. Mélanie Griffith, elle est magnifique. Deborah Shelton, elle est magnifique. Tout ce qui est jeu d'actrice, en tout cas, il n'y a pas de problème. Effectivement, jeu d'acteur, lui. Puis, le problème, c'est qu'il y a des moments, je ne savais même pas sur quel pied il voulait danser le film. Quand tu as toutes ces parties où il suit justement Gloria, mais arrivé à un moment, tu te dis, mais c'est quoi ? C'est censé être de la comédie ? C'est censé être quelque chose où il y a un stress, où il y a une pression ? Parce que, comme tu disais, Tom, le mec est tellement goofy. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Le mec, comme tu dis, se fait repérer en train de mater au travers des cabines d'essayage, il la suit, mais il est à un mètre derrière, il prend la voiture. Enfin, je sais pas, j'arrivais pas à savoir où voulait aller le film à un moment-là, si ça devait être drôle ou si ça devait pas l'être. Alors, je pense, c'est pas pour moi. Là, pour le coup, c'est pas pour moi. Okay. Après, j'adore la version, j'adore quand tu passes dans le monde de la nuit, puisque j'adore comme il filme, sa façon de filmer, ses utilisations de couleurs et tout, je trouve ça super. J'aime bien cette ambiance, comme tu disais, Jess, qui peut retranscrire ce côté Los Angeles craspect là. Mm-hmm. Et ça, j'aime bien ce côté. Mais sinon, non. Enfin, je sais pas. Ça marchait pas. Clairement, ça a pas marché sur moi. Quoi. Mais du coup, quand tu dis ce qu'il a fait, ça a déjà été fait en mieux, je suis pas d'accord. Mais quand tu dis l'histoire de voyeurisme, on l'a déjà vu ailleurs, certes, mais je l'ai pas vu dans un environnement, comme tu dis, le Los Angeles Craspec. Et du coup. Intrinsèquement, cette situation me met mal à l'aise parce que je veux pas être voyeuriste dans ce milieu-là. Alors que dans Fenêtre sur Cour, t'es plus dans des appartements classe, tu regardes chez la voisine et tout, c'est une ambiance différente. Après, t'as plein de films Truc du voyeur, on est quand même pas sur du Los Angeles Craspec, hein. On est quand même dans des beaux quartiers. Bien que c'est de la richesse liée à des trucs pas. Oui, il y a des trucs pas forcément hyper légaux, quoi. Après, des films voyeurs ou avec meurtre et tout, t'as des trucs qui étaient vachement plus, je sais pas, plus rentre-dedans. Tu prends Maniac de Lustig, par exemple, tu vas suivre un tueur en série où tu vas souvent... Enfin, qui est voyeur, qui poursuit, qui tue, qui viole, tout ce machin. Mais t'as vraiment... Enfin, je sais pas. Un film familial, quoi. Ouais, non, mais c'est un super film. D'ailleurs, il y avait un remake avec Elijah Wood. Petite comédie du samedi soir. Un remake avait été fait avec Elijah Wood, en plus. C'est pas un mauvais film en tant que tel. Je pourrais pas dire c'est un mauvais film. Ben, ça reste du De Palma. C'est bien filmé. Il y a des trucs, mais je sais pas. Moi, je suis pas rentré dedans. Il y a quelque chose. Alors, soit ça démarre trop tard, peut-être un peu comme Tom, ou je trouve que tout le début c'est tellement trop long pour rien. Toutes ces scènes où il la suit, mais ça dure 10 plombes où il la suit. C'est très lent. Hein. Je sais pas. Non, moi je trouvais ça trop bien cette scène dans le centre commercial. Mais t'as le droit, attention, pas de soucis là-dessus. Le truc, c'est que c'est bizarre que moi je ressente absolument pas ce que vous ressentiez. Par contre, moi la fin me déplaît un peu et vous, c'est ce qui vous a sauvé le film. Du coup, j'ai l'impression d'avoir compris le film à l'envers. Non! Mais t'as peut-être le ressenti déjà toi en tant que femme au niveau du voyeuriste, t'as certainement pas le même ressenti que nous, on va pouvoir avoir en tant que mec déjà aussi. Hein. Ça peut jouer aussi. Hein. Non, donc, là, tu vois, je viens de me rappeler d'un truc, c'est pour moi, c'est un film qui est bourré aussi de facilité. Tu prends notamment le truc quand il est dans sa voiture au tout début et puis que les gars lui bloquent la route, il attend, il voit la meuf passer et puis au loin il voit l'Indien, tu te dis. Comme par hasard, il s'arrête à ce moment-là, au moment après, où elle après, va sortir reste, et machin. Ça reste un film aussi, il faut que l'intrigue... Tu sais, il y a beaucoup de films où des fois, c'est un peu trop cousu de fil blanc quand même, mais... Ouais, mais entre j'ai reconnu la danse, machin, j'ai regardé pile poil à ce moment-là, je me suis dit, c'est peut-être... Parce qu'on est quand même sur un plan où le mec s'est dit, je vais lui dire de regarder, et potentiellement, il y a un moment donné, un soir, où il va regarder du porno, et peut-être qu'il va tomber sur peut-être, la danse. Oui, après, c'est sûr qu'il y a des... Ce qui va toujours faire la contrebalance, c'est qu'il y a des moments où tu comprends pas, c'est que tu vas avoir beaucoup de... Enfin, tu vas avoir des facilités scénaristiques, alors que, par exemple, avant, tu vas avoir des plans ou des scènes où le mec va se faire chier à chiader un truc hyper propre pour que ça tienne bien la route, et puis derrière, paf, tu vas avoir juste un petit truc facile pour aiguiller le truc. Après, ça reste des facilités scénaristiques pour aiguiller ton scénario. Ça reste des techniques, mais j'ai trouvé ça trop facile pour le plan que le mec mettait en place derrière. Moi, j'ai l'impression que c'était pas... Il voulait pas trop... C'est pas l'histoire en elle-même qui est censée attirer notre attention. C'est plus ce qu'il essaye de nous montrer ou de nous faire ressentir au travers de cette histoire dans laquelle on est embarqué sans le vouloir, puisqu'on est toujours forcé de regarder les choses. Et on a toujours un degré de séparation par rapport à ce qui se passe. T'éteins ton DVD, c'est fini. Hein. Mais moi, je suis trop content d'avoir payé, d'avoir acheté ce film, parce que je sais que j'aurai très envie de le revisiter dans le futur pour voir si, oui ou non, mon avis reste... aussi positif, une fois que, comme vous l'avez dit, une fois que tu connais le twist, peut-être que je vais pas le vivre de la même manière, et peut-être que mon avis va changer. Alors, mais là... Après, honnêtement, un film à twist, s'il est bien fait, même quand tu connais le twist, t'as quand même du revisionnage possible, parce que tu vas essayer de revoir le cheminement qui t'y emmène, tu vois. C'est ça. Après, si effectivement le truc est vraiment mal fait, oui, que c'est vraiment juste le twist qui t'emmène le film, entre guillemets, oui, là, ça peut être compliqué. Mais moi, je prends toujours autant de plaisir à revoir Usual Suspect, tu vois. Oui, pareil. Voilà. Et moi, pourtant, le film n'est pas gâché parce que je connais le, parce que je connais le truc par cœur. Mais voilà, je sais pas si je regarderai Body Double, mais je me le ferai peut-être reposé ou plus calme ou je sais pas. Et d'ailleurs, peut-être qu'en le regardant, en connaissant le twist, tu vas peut-être repérer des trucs que tu n'avais peut-être pas vu. Et puis le voir sur un autre. De Palma, il a peut-être posé des trucs justement auxquels tu n'as peut-être pas fait attention aussi. Donc ça peut peut-être mériter un revisionnage. De toute façon, c'est un film qui a fait son. Qui s'est fait un nom. Et s'il s'est fait un nom, généralement, c'est quand même pas pour rien. Hein. Faut pas, non, faut non, pas, c'est clair. Hein. Il y a quand même rarement des films qui se font des noms, c'est pas parce que c'est des purges, quoi. C'est quand même un des films qui ressort de sa filmo à Brian De Palma. Alors que pourtant, le truc avait vraiment mal commencé au départ, quoi. En plus, comme on l'a dit, ça a été un four, quoi. Effectivement, et c'est un film qui a été... Moi, je connaissais juste de nom, je l'avais pas vu. Quand ils avaient réannoncé une réédition 4K, machin, moi, j'étais chaud. Hein. J'ai loupé la préco, machin, et je pense que je l'aurais pris si je l'avais pas loupé. C'est un nom qui coûte. Bah, de toute façon, quand tu l'avais pris, je t'avais dit que c'était un bon choix. Alors, j'avais même pas vu le film, mais je t'avais dit que c'était un bon choix pour le nom. Vous avez des trucs à rajouter dessus? Moi, j'ai rien, mais après, peut-être peut-être encore des trucs, je sais pas, non? Non, honnêtement, parce que je vous sens tous. Un côté onirique, Jess, de la poésie. Mais je pense qu'on n'a pas du tout vécu le film de la même façon. Parce que j'ai l'impression que. Ouais, moi, ce qui m'a attiré dans ce film, c'était pas forcément l'histoire, c'était pas non plus la conclusion, c'était vraiment toute l'expérience de séquence en séquence et de renouvellement en renouvellement, parce qu'il passe par plusieurs genres. Et je me laissais transporter par les différents segments, et je m'en foutais un peu de là où ça allait aboutir, parce que juste j'appréciais le voyage, si tu veux, entre guillemets. Alors, ce que j'aurais aimé voir, moi, c'est un peu ce que disait Tom, c'est un film, mais qui commence au moment de l'arrivée dans le monde de la nuit, là, un film qui se passe que là-dedans, tu vois. J'aurais été curieux de voir un truc de Palma là-dedans. Je pense que ça aurait pu être un truc de dingue aussi. Ouais, en fait, que son voyeurisme du... toute cette mise en place qui au final dure une bonne moitié de film pour arriver directement à ce moment-là. Tu veux dire quand lui il est en galère et qu'il va de groupe d'acting en audition et des trucs comme ça. Moi j'aimais bien ça, que son voyeurisme du début l'entraîne directement en fait dans ce milieu-là, quoi. Limite que ce soit que le début soit condensé et que tu le fasses en un quart d'heure, 20 minutes, et qu'après ça lance tout le film dans cet univers un petit peu sale, etc. Plutôt que de dire c'est un acteur, mais on voit que c'est un peu un acteur raté, sauf qu'il rencontre son pote qui va lui dire viens là, j'habite là, tu peux regarder cette meuf. Il regarde la meuf, machin, ça prend, il la suit, etc. Au final, elle se fait buter. Il voit que au final c'était une actrice porno, il découvre ça, et après il va dans ce monde là c'est quand même hyper long comme mais c'est mise trop en place. Chouette toute cette mise en place, par contre. Moi, c'est les moments que j'ai préférés du film, c'était toute cette mise en place. Ce que j'ai moins aimé, c'est quand, après avoir été jusqu'au film porno, et qu'il revient en mode je suis un producteur avec les cheveux gominés, ouais, une veste en cuir et qu'il a l'air tout crado. Et t'es là, what the fuck? Que fais-tu? Et il essaye de dire à Melanie Griffith qu'il voudrait lui offrir un rôle, peu importe. Là, moi, je commençais à me dire, là, je comprends pas trop où on va. Et en fait, c'est, la fin m'a un petit peu dérangée aussi parce qu'elle est un petit peu cartoonesque. Quand ils sont sur à la scène, quand ils font la bagarre, là. Ouais, la bagarre avec entre guillemets quoi. C'était un petit peu naze et je sais toujours pas trop si le mec est vraiment mort ou pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'était un petit peu. Ouais, la fin était un petit peu nulle. Mais par contre, la scène finale où il est sur, il est de nouveau dans le retour dans ce rôle. Ouais, dans le de rôle. Dracula. Ça c'est classe. Ça c'est excellent, tu vois. Et, ouais, et coup, les dialogues sont les cool, ouais. Sont excellents, quoi. Quand tu fais, ouais, tu feras gaffe, j'ai mes règles et tout. Mais ouais, okay, t'es d'accord. Vraiment sur le côté business. Ça va, je te fais pas mal au nichon. Non, c'est bon, ça va. Tu fais, putain. Mais que nous, on voit que Melanie Griffith, elle est avec lui sur le plateau. Et que donc, ils ont sans doute commencé une petite romance. Ce qui est très malaisant parce que quelque part, le mec, il l'a repéré à la télé et il a tout fait pour pouvoir se retrouver sur le tournage avec elle, pour pouvoir se l'envoyer devant plein de gens. C'est spécial quand même. Ouais, non, alors, c'est spécial comme comptait... début d'histoire. Ça dépend, est-ce qu'il comptait vraiment se l'envoyer au départ? Je suis pas sûr. Il sait pas forcément. Il lui a pas dit, oh, peut-être pas. Il était assez content de continuer, tu vois. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais déjà, j'étais étonné. Tari, tu veux faire un casse pour nous? C'est facile en fait. Oui, bonjour, je suis intéressé. Ouais, ah, c'est vous, ça. Okay. Ok, d'accord. On lui demande même pas d'enlever son pantalon ou quoi que ce soit. Ok, d'accord, ça va, bonjour, c'est pas si chiant que ça je en jouer fait. Dans votre film. Ok, ouais. On commence tout à l'heure. Okay, ouais, c'est d'accord. Ça. C'est... On tourne le casting rapide. Pardon. Le mec, il a écumé les castings, les trucs, ça dure 3000 ans. Il est jamais pris. Ouais, là, ok, d'accord. Peut-être que moi, je pense qu'il devait être juste figurant. Ils avaient. Peut-être pas. Il devait être lead homme. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment. On connaît pas le porno, on pourra pas t'aider. Désolé. Ok. Mais c'est tout ce que j'avais à rejeter parce que le fait. Ouais, d'autant que... D'autant qu'ils nous ont bloqué tous les sites en France, donc. Ouais, maintenant on peut plus aller. On est. Oui, on sait plus rien faire. Pour les Français. Donc, c'est ignoble cette décision. C'est inadmissible. La, la dépression du pays dans un mois, quoi. Ah ben là, et avec ça, le PIB va augmenter? Je crois pas, non. Vous allez peut-être voir des réseaux locaux se développer à coup de, tu vois, petits groupes TikTok. Ah ben ils vont rouvrir WhatsApp, ils vont rouvrir les sex shops, hein, c'est sûr. Ah, ça, ils vont rouvrir les bordels à l'ancienne. Oui. Hein. Ginette du 39. C'est des messages sur les toilettes. Si tu veux une chouette soirée, ah, je suis au 06. Qu'est-ce que c'est que pourquoi ça? Pourquoi on les connaît tous ceux-là? Tu connais pas ça? Ah bah non, on n'a pas le 06 en Belgique. Ah bah tiens, je vais laisser le téléphone portable de Jess dans les toilettes d'une station totale sur autoroute. T'as mon numéro? Oui, on verra si ça marche. Chalon sur Saône, je suis hein saut. Bah oui, sur, ah merde, bah oui, sur WhatsApp. Ah non. Salut, après, c'est GG le routier. Si les gens ont envie de payer pour appeler jusqu'en Angleterre. Jess qui dit allô, c'est GG le routier. Tu suces. Ah, j'imagine Jess qui. Oui. Alors là, eh ben, j'enlève ta culotte. Wow, qu'est-ce que c'est? Wow. Ça a pris des tournures que. Auquel je ne ah oui, pas. Totalement inattendu. Totalement inattendu. Et que je n'autorise pas. Je ne valide pas, en tout cas. Ah, tu. Non, c'est une. Super merde, l'ambiance, quand même. Tu ne contractes pas. Je ne contracte pas, ouais. Tu ne contractes pas, ouais. Ouais, c'est dans un de vos films pourris, ça, c'est ça? Non, c'est en vrai. C'est ça le pire, c'est en vrai. Je ne contracte pas. C'est des vrais gens. C'est des vrais gens. Tout ce que vous avez dit est contrôlé par Entreprise France. Voilà. Voilà. On va t'envoyer la vidéo sur le WhatsApp. Oui, tu verras. Tu vas pas être déçu. C'est la France qu'on aime. Voilà ça. Du coup, on va enchaîner sur mon film à moi qui était Brésil, qui est sorti en février 85 en France, de nouveau en Allemagne de l'Ouest. Aux Pays-Bas et important en de préciser. United Kingdom, au Royaume-Uni. Ooh. Do you wake from your finest fantasy only to return to your daily nightmare? Mr. Watt. Yes, Mr. Watt. Is your mother about to look younger than you do? Does the woman of your dreams... I love you. In my dreams, I love you. ...still have a few doubts? Then it's time to take a stand. To break out of your dull, humdrum life and into Brazil. You're so pleased you can make it right this way. It's about flights of fantasy and the nightmare of reality. Non, le film que j'ai choisi. Il me parle d'aventure. Alors Brazil, c'est un film dont le budget est de 15 millions de dollars et au box-office ils ont fait 9,9 millions de dollars. On constate donc un déficit. C'est un... C'est peu de le dire. C'est un film écrit et réalisé. Alors réalisé par Terry Gilliam, écrit par Terry Gilliam, mais pas que. Parce qu'il avait notamment, ça c'est un peu chelou, mais il avait développé l'histoire et écrit la première version de l'histoire avec un mec qui s'appelait Charles Alverson et qui avait été rémunéré pour son taf, mais qui n'avait pas du tout été crédité dans le film final. Mmh. Et pendant plus de 20 ans, Gilliam a nié toute contribution de la part d'Alverson au scénario. Et il a été... Finalement, il y a des trucs qui ont émergé qui ont fait que Gilliam a dû modifier un petit peu son histoire à contre-cœur. Je sais pas trop ce qui s'est passé entre eux, mais ça n'a pas l'air d'être super amical. Pour parler de Terry Gilliam, j'allais vous demander quel film, vous, perso, vous associez à Terry Gilliam. Quel est le film qui résonne le plus avec Gilliam? Storm, vas-y, toi. J'irai sur l'armée des douze singes, moi. Ok, Thomas. Ouf. Ouais, ça et Las Vegas Parano. Ouais, Flo. En tant que réal. Ouais. Est-ce que t'as un film de Gilliam qui... Non, les deux que c'était les deux que j'allais citer, les deux que, enfin, ceux que Storm et Tom ont nommé. Ouais, pareil pour moi, c'est clairement Fear and Loathing in Las Vegas. Las Vegas Parano, qui m'avait impacté assez jeune. Et j'avais beaucoup aimé l'imaginarium. Alors, en français, je ne suis pas sûre qu'ils ont traduit, mais l'imaginarium ou l'imaginaire... L'imaginarium du docteur Parnassus. Ouais. J'avais beaucoup aimé celui-là. Après, t'as Sacré Graal aussi, quand même. Bon, il n'y a pas que lui, Il n'y a pas que lui, mais évidemment... Parce que Terry Gilliam n'est pas britannique, de base. Il est américain. Mais il a renoncé à sa citoyenneté. Oui. Ouais. Et il a émigré au Royaume-Uni et il est devenu anglais. Il a rencontré les Monty Python, etc. Mais donc, de base, lui, il n'est pas britannique. C'est vrai que les Monty Python aussi ont compté pour moi, mais... Ouais. Par contre, je n'ai pas vu sa filmo des années 80, etc. Je n'ai pas vu le Baron Munchausen, les aventures du Baron Munchausen. Ah si, oui, j'avais oublié. Ouais, si, c'est cool. Et j'ai pas vu Quand t'es gosse, c'est un bon truc. C'est un truc pour enfants? Les aventures du Baron Munchausen, c'est un truc un peu pour enfants. Enfin, ouais, c'est cool. Ok. C'est bien perché. Moi, enfin, en tout cas, j'aime bien. Enfin, longtemps que je ne l'ai pas vu, mais j'en ai un bon souvenir. Ouais, moi, ça ne me dit rien du tout. Mais ici, on parle de Brazil. Brazil, c'est quoi le plot? Alors, vite fait, on est dans une... On est dans une société un petit peu dystopique, Enfin, pas un petit peu vachement dystopique. Ouais, dans un truc où ça pourrait mettre des slips en fourrure, quoi. Où on a poussé la bureaucratie à l'extrême. On est dans un... France, c'est assez technocrate. Oui, c'est la France, quoi. On appelle ça la France de 2025. Mais ils sont aussi de la tech, un petit peu rétro-tech, qui est une décision... Une décision volontaire de Gilliam qui ne voulait pas faire un truc d'anticipation où ta tech, elle sera un petit peu désuète d'ici 10-15 ans. Et si tu développes une idée à l'époque où toi tu es, tu vas te baser sur les idées que toi, enfin, qui sont acceptées à l'heure où toi tu travailles ton concept, tu vois. Mais peut-être dans 10-15 ans, ces idées-là, elles seront dépassées. Donc il se disait la meilleure idée, c'est de partir sur de la rétro-tech, puisque ça, même dans 15-20 ans... Ben, le fait est que cette tech n'a jamais existé, n'existera jamais, donc on se pose moins de questions. Et dans cet univers vit un mec qui s'appelle Sam Lowry, et qui est un fonctionnaire qui bosse pour l'État et qui en fait qui voit dans ses rêves, qui voit une jeune femme, et un jour il va voir cette même femme en vrai dans la vie réelle dans un des bâtiments du gouvernement. Elle essaye de faire signer des formulaires et il va tout mettre en œuvre pour essayer de la retrouver. Alors le film avait été un échec quand c'est sorti, et pour Gilliam, en fait, il estime que ce film, c'est le deuxième de sa trilogie de l'imagination, qui commence par le film Time Bandits en 1981, qui se continue par Brésil et qui se terminerait avec les aventures du baron de Munchausen, parce que pour lui, tous les trois films parlent de la folie de notre société qui est mal organisée et du désir de pouvoir y échapper par tous les moyens possibles. Alors, je vous permets pas de dire que la France est mal organisée, madame. Ok, on a besoin de formulaires, on a besoin de ça, on a besoin de ces écrits pour savoir qui fait quoi. Alors, le film, clairement, ne parle pas forcément de la France, mais c'est ça qui est super, c'est qu'on ne sait pas du tout où on est. Cette société qu'il a créée est complètement hors du temps, hors de l'espace. On fait volontairement le parallèle avec la France parce qu'on est une nation très administrative. Enfin, mais tout le monde, regarder toutes les sociétés. Nous, on a quand même un joli millefeuille. On est assez réputé quand même. Pour on ça. Est assez réputé pour les papiers et tout ce genre de trucs. Je pense qu'on peut s'asseoir. Il n'y a pas grand monde qui peut s'asseoir à notre table. Ouais. En Belgique aussi, il me semble. On vous bat. Ok. Je suis pas sûr. Mais c'est pour ça qu'à mon avis, le concept parle à beaucoup de gens parce que tu te dis, il n'y a qu'un pas en fait entre le monde dans lequel on vit maintenant et ce monde-là qui est dépeint dans ce film. Tu te dis, il n'y a qu'un pas. Et d'ailleurs. Ah, j'ai pas parlé du cast, mais on retrouve notamment Jonathan Pryce qui joue Sam Lurie. Jonathan Pryce, alors je sais pas pour vous, mais pour moi, il restera toujours le méchant dans James Bond qui était un magnat de la presse, et celui avec Michelle Yeoh et Pierce Brosnan, et qui voulait qu'il y avait un sous-marin un petit peu invisible et tout. J'adorais. C'est quoi, le monde ne suffit pas celui-là. C'est pas demain, non. Tomorrow Never Dies. Ouais, mais demain ne suffit pas. Oui, voilà. En mode de night. Ouais, voilà. Moi, je l'adorais dans ce rôle, mais voilà. Donc, on le retrouve ici, bien plus jeune. On retrouve aussi Robert De Niro, Catherine Elmond, Ian Holm, Bob Hoskins, Michael Palin et bien d'autres. Je sais pas si j'ai envie de vous demander. Ouais, je vais peut-être vous demander vos avis avant. Je peux vous demander votre avis. De peut-être passer au mien. Je vais commencer par Tom. Qu'est-ce que tu penses de Brésil ? Ce film que je pense que tu avais déjà vu. Alors non, je l'avais jamais vu. Ah, c'est cool, c'était une découverte. Ouais. À part Terminator, j'avais pas vu les trois autres films de la liste de ce soir. Je n'ai pas du tout aimé ce film. Voilà, je suis pas du tout rentré dedans. J'ai vu le film 1984 qui est raté hein, aussi, hein, qui est vraiment pas bon. Et pourtant, j'ai trouvé 1984 meilleur que celui-là, dans ce qu'il... Alors forcément, parce que le matériau de base, le bouquin, forcément te place à un niveau de société totalitaire et dystopique. Je pense qu'on n'a pas fait mieux depuis. Et le bouquin 1984, je rappelle, s'appelle comme ça parce qu'il a été écrit en 1948. Donc ça remonte quand même maintenant à quasiment à 80 ans. Ça m'a pas du tout transporté. C'est le problème avec moi, c'est le problème de Terry Gilliam, c'est que son cinéma, soit t'arrives à rentrer dedans et il t'embarque complètement et tu suis le truc, il y a pas de problème. Ce qui a été le cas pour moi Las Vegas Parano, et L'Armée des Douze Singes, qui sont deux films que j'aime beaucoup. Sur ces autres films, j'y arrive pas, et pour moi c'est tout l'un ou tout l'autre. Et là, Brésil, ça n'a pas du tout marché. Il y a quand même quelques refs effectivement qui sont... C'est marrant parce que malgré l'échec du film, il y a quelques refs qui sont restés dans la pop culture, notamment la musique. De l'administratif qui a été réutilisé dans énormément publicités ou autres, voilà, Et à un moment, j'étais à la fin, j'arrivais dans les 10-15 dernières minutes. Et j'étais là, je dis, bon, je vais attendre la fin du film quand même. Et à la fin du film, je dis, je suis allé chercher sur Internet pourquoi le film s'appelait Brésil quand même. Parce que je ne comprenais pas. Et l'explication, oui. Elle est juste what the fuck, quoi. C'est quand même complètement dingue. Grosso modo, c'est parce qu'il aimait bien la musique. Ouais. Qu'on entend au tout début du film. Et il dit, ah ouais, moi j'aime bien la musique, je la remets plusieurs fois dans le truc, et puis, je vais appeler le film Brésil. J'ai dit, tout ça pour ça, putain. J'ai mis des endives parce que j'aime bien, du coup je vais appeler le film endive. Voilà, ouais. Alors, il aurait pu appeler le film Tuyau aussi, hein, je pense, parce que vu le nombre... Super Mario, je crois. Ouais, vu le nombre de tuyaux qu'il y a dedans. Qui attendent dès que tu ouvres un mur, t'en as partout. C'est un peu sa signature de l'absurde, quoi. Dans certains de ses films, c'est ça. T'as des détails et tout qui reviennent systématiquement et ça fait partie du truc. Voilà. Maintenant, cette histoire m'a pas embarqué. Je trouve que tout ce qui est fait et raconté l'a été mieux fait dans d'autres films. Le film 1984 est sorti l'année d'avant, parce qu'ils avaient eu le bon goût en plus de le sortir dans l'année 1984. On l'avait traité dans les Baby Gravers, et pareil, on n'avait pas trouvé ça, foufou, quoi. Ça allait pas assez loin, ça collait pas assez au bouquin, ça collait pas assez à la noirceur du truc. Et c'est le reproche que je vais lui faire, c'est qu'effectivement, quand tu dépeins une société totalitaire, dystopique comme ça, le faire sur le ton un petit peu de la bouffonnerie, tu peux perdre ton public. Et moi, c'est totalement ce qui s'est passé. Voilà. Ok. Storm, est-ce que toi, c'était une découverte ou pas? Ça m'étonnerait. Ouais, je l'avais jamais vu. Est-ce que tu es d'accord avec l'avis de Tom, du coup? Parce que en fait, c'est rare d'entendre des gens qui sont catégoriquement pas impressionnés par le film. Non, je vais plus être mi-figue mi-raisin, moi, pour le coup. Ok. Il y a des trucs qui me plaisent et il y a d'autres trucs qui me posent problème parce que je comprends pas. Enfin, je comprends pas ce qu'il veut faire entre guillemets. Après, voilà, Terry Gilliam, on sait que c'est un univers, c'est perché, hein. Tu prends le Baron Munchausen, tu prends l'Imaginarium, là, c'est hyper barré, hyper perché. Mais même l'Armée des Douze Singes, oui, même l'Armée des Douze Singes, c'est hyper perché. Ouais. Mais sur l'Armée des Douze Singes, ça me dérange moins. Là, le côté absurde me dérange pas, j'aime bien. Ce côté où ça, pareil, tu sens un peu le côté Monty Python, là, quand ils sont au restaurant, qu'il y a l'attentat dans le restaurant. Et puis que t'as l'autre qui fait non, excusez-nous, on va vous mettre le par rideau et tout le bordel. Voilà, pour eux, on va bouffer, machin, et t'as les gens qui passent. Ouais, c'est... Moi, ça marche bien. Ça, pour le coup, je trouve ça fun parce que ça te met tellement un écart entre la situation de dire, mais attends, t'as un attentat, t'as certainement des gens qui sont morts, t'as machin, et de l'autre côté, t'as les espèces de riches qui n'ont strictement rien à foutre. Oui, c'est pas leur problème. Donc ça marche bien, ce côté vraiment grand écart, me dérange pas. Le côté onirique, je le trouve plus, en tout cas pour moi, plus discutable. C'était ces espèces de rêves là où il se bat contre un samouraï et tout, avec son costume de Silver Hawk, là, j'ai dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mec, il est en homme volant argenté et tout, je dis, waouh, ok, d'accord, ça va loin, quoi. Et puis... Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est vraiment bizarre, ça. Donc ça j'ai du mal. Après, ouais, et c'est ça. Moi c'est ça ce problème, c'est qu'il y a un truc qui va me plaire pour un truc qui va me déranger à chaque fois. Tu disais quand tu vois le personnage de Niro, il est exceptionnel son perso. Enfin moi pour le coup dans le film il me fait trop rigoler, il marche trop bien son perso quoi. Et puis Bob Hoskins aussi, j'aime bien son. Bob Hoskins. Ouais, j'aime bien son perso aussi. Et tout ça, ce côté fun, délire, ça me plaît bien, mais tout le côté onirique me déplaît. Je trouve que ça marche pas, enfin pour moi, ça marche pas dans le film. J'aurais préféré qu'il le traite en gardant son côté comique, mais au lieu de mettre des côtés un peu oniriques bizarres, aller sur un côté peut-être plus sérieux, essayer de pousser vraiment dans le sérieux son sujet, il est poussé, mais enfin, je sais pas, c'est l'association Est-ce des deux qui me pose problème. Est-ce que tu ne penses pas que le côté onirique est central au message du film? L'idée que de rêver, tu peux pas enlever cette liberté-là aux gens. Oui, si tu rêver, ça te permet. Oui, ouais, vu comme ça, peut-être que je l'ai pas vu comme ça, mais oui, effectivement, t'as pas tort ouais, là-dessus. C'est encore le dernier truc que t'as le droit de faire. Libérer, machin. Ouais. Où là, tu dois rien à personne. Personne ne théoriquement ne peut te le retirer, ça. Sauf, vu la fin, en fait, c'est le statement, c'est la déclaration qu'on nous fait, non? Que lui, il est libre dans sa tête, donc peu importe ce qui se passe. Ouais. Ouais, du coup, oui, le côté onirique prend tout son sens. Puisque oui, parce il que vit là, dans oui. ses rêves. Ouais, non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, et je pense que t'as pas tort là-dessus. C'est au détriment de limite d'une lobotomie. Donc, est-ce que pour c'est autant, ça. Lui, t'es libre, mais clairement, ils le disent. Je crois qu'on l'a perdu. Et tu vois le gars qui est en train de murmurer. Oui, sa et c'est chanson pour ça qu'il y a beaucoup de gens. Mais après, il est dans son monde. Après, il est dans son monde. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent que tu peux voir la fin de ce film de deux façons, soit d'une manière optimiste, soit d'une manière pessimiste. Négative, et ceux qui ouais. le voient de la manière où, ah oh ouais, il est lobotomisé, ce que tu viens de dire, Flo, il est lobotomisé, c'est donc la version pessimiste. Mais pour ceux qui font plus attention au fait que, oui, mais il est libre dans ses rêves, et donc on ne peut jamais t'enfermer complètement dans une cage, c'est les gens qui auront plus une attitude optimiste par rapport au message. Ouais, après je pense que effectivement le message pessimiste c'est plus le côté terre à terre, bah ouais mais t'as ton enveloppe, t'es dans tes rêves mais t'as ton enveloppe charnelle, qu'est-ce que t'en fous, tu vas rester là, t'es... Mais lui c'est évadé de ça. Côté, oui. C'est le côté onirique, lui c'est évadé plus, de ouais, ça. Le côté rêveur, mais machin. Toute bonne révolution trouve ancrage dans des bonnes idées. Donc tu vois, si, le fait est que si des gens persévèrent et rêvent toujours, quelque part la révolution va prendre racine là-dedans. Dans le fait que certaines personnes ne peuvent pas être complètement anéanties, tu peux pas tout leur enlever. Elles peuvent pas être complètement esclaves de cet état autoritaire. Ah bah non. Après, comme Tom disait, c'est que de toute façon, il a marqué la pop culture. Rien que la fameuse scène dans la cheminée de centrale nucléaire, là où justement ils vont lui faire la lobotomie, là, quand tu vois le docteur avec son masque de bébé et tout. Enfin, je veux dire, cette scène, elle est iconique. Enfin, cette scène, elle est iconique. Tout le monde l'a déjà vue, quoi. Mais je pense que t'as pas tort, Jess. Peut-être que j'ai peut-être mal abordé le film, effectivement, vu comme ça. Oui, ça se tient. Ouais. Je suis aussi mitigé sur le truc. Alors, par en contre, vrai, sur pas, des trucs différents. Pas, donc, alors, après, je vais faire sur ce côté-là, je suis de ton avis. Non, mais c'est juste pour dire que je suis de ton avis là-dessus, sur le côté onirique. Mais j'y reviendrai. Je vais faire une Jess. Ouais, enfin, Snyder a fait mieux avec Sucker Punch. Mais moi j'aime bien Sucker Punch, donc ça ne m'atteint pas. Moi non plus, j'aime bien Sucker Punch, je vais rien dire. Donc... Mais non, en fait, je sais pas trop comment par contre, tu dis ça. Dans quel sens non, mais tu pourrais maintenir par rapport à la lobotomie de fin, machin, tu sais, elle est dans son monde à la fin. Ah oui, juste, voilà. Oui, voilà. C'est vrai. Enfin bon, non, mais c'est tout. Après, c'est ça, je sais pas sur quel pied le prendre, en fait, c'est ça le problème, c'est que... J'aurais aimé voir un truc un peu plus sérieux, tu vois, avec une révolution peut-être. Mais c'est, je pense, c'est, de toute façon, c'est pas le but du film, c'est pas ça qu'il voulait faire. Donc après, c'est pas grave. Mais je sais pas comment l'aborder. L'onirique, effectivement, me dérange. Après, ce que tu mets comme argument, je suis tout à fait d'accord et ça se tient même. Je pense que c'est de toute façon même si, au final, c'est ce qu'il veut faire paraître. Je pense ce côté liberté que tu pourras pas enlever à quelqu'un. Même en l'enfermant, même en lobotomisant, machin, tu pourras pas lui prendre sa liberté de rêver, sa liberté entre guillemets de penser. Donc, je sais pas, je suis mitigé. J'ai pas passé un mauvais moment, hein, parce qu'en plus j'aime bien le côté un peu rétro, steampunk comme ça. Puis le côté humour, je trouve, quand il est là, il marche bien. Il est bien amené. Et après, voilà, j'aime bien les Monty Python, c'est un humour qui me fait rire. Et là, je trouve que à chaque fois, il est bien placé. Avec les deux mères, la mère et puis sa copine, là, qui arrête pas de passer sur des chirurgies esthétiques. Enfin, c'est n'importe quoi. L'autre, c'est une momie à la fin. Oui, bah, il m'a un petit peu loupé. Enfin, ça, je trouve ça mais vachement bien. La complication bien, quoi. A eu des complications ouais. en anglais, tu vois. Et la meuf, elle est complètement en bandage, quoi, tu vois. Mais non, mais ça va bien se passer. Ouais. J'imagine. Donc, non, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je le rematte, je sais pas. Mais ouais, voilà. Flo, je suppute que tu es du même avis que tout le monde et que tu as aussi pas trop aimé ce film. Alors, Storm, il a pas dit qu'il avait pas trop aimé, il a dit qu'il était mi-figue, mi-raisin. Ouais, mais à l'entendre parler, je... Alors, ouais. J'ai, pour moi, il y a les deux nuances. Il y a Tom qui, non, lui, il a pas aimé, et Storm qui est un petit peu plus mitigé. Je suis plus du côté de Storm, où je suis un petit peu plus mitigé, effectivement, ce côté onirique, machin, où je me suis dit, bah, je sais pas, l'univers qui nous est dépeint, il est déjà un petit peu perché et tout. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter ce truc-là où effectivement, bah, pourquoi ça se transforme tout d'un coup en genre de samouraï, machin. Je dis, ouais, ok, d'accord. Bah, admettons, pourquoi pas. Mais pour autant, ouais, je me suis pas fait chier. Les persos, j'ai bien aimé le développement du personnage de Jonathan Pryce où bah effectivement au début c'est le bon petit fonctionnaire bien zélé et tout, et puis au fur et à mesure il rencontre la meuf et tout, et bah il va être lui qui a l'air d'être froid et tout, d'être bien machin, il va commencer à développer des sentiments, à sourire, à sauter de joie, etc. Et je trouvais ça plutôt pas mal. Mais encore une fois, après, je sais pas, peut-être moi encore, hein, mais je trouve ça trop facile, le truc d'amener la meuf dans le rêve. Je dis, oui, mais à un moment donné, faut faire avancer le film, je suis d'accord. Je trouve aussi trop facile la partie où il lui répète pendant 5 minutes, vas-y, crois-moi, s'il te plaît, crois-moi, je t'aime, crois-moi. Tu fais, ben... Et au bout de 5 minutes, elle fait, ok, d'accord, pourquoi pas. Quoi ? C'est surtout que tu dis, son approche, elle est nulle. Pourquoi il lui dit juste pas, bah écoute... En fait, il y a eu une espèce d'erreur complot. Ouais. Ils ont niqué ton voisin. Ils veulent essayer de te tuer, toi. Tu dis, il pourrait l'expliquer clairement, en fait. Ben oui. Il est au courant. Et en fait, juste lui, il va. Non, vite. Crois-moi. Vite, faut que tu me crois. Vite. Bah, alors qu'il explique clairement. C'est fini, quoi. T'as tous les termes, t'as tous les trucs. Bah, c'est simple. Ils veulent te buter. Expliquer. Ok, d'accord. Et c'est tout autant crédible. Que, et voire même beaucoup plus crédible que allez, s'il te plaît, et tu me crois. J'ai trouvé ça, j'ai fait, oh vas-y, c'est bon. J'avais envie de prendre la meuf, de la secouer et de dire, mais crois-le, putain, il va te saouler tout le temps. Qu'on avance. Au-delà de ça, est-ce que ça vous dérange pas foncièrement d'avoir un protagoniste qui rêve d'une meuf, voit cette meuf dans la rue, ne la connaît pas, va changer de taf pour avoir accès à des informations privées sur la meuf, pour pouvoir la retrouver en vie réelle, pour la stalker et pour débouler dans sa mais vie après, et après, foutre c'est le pareil, chaos total. La promotion, elle est bien arrivée, la promotion. Après, c'est parce que c'est un mec zélé, donc ok, ouais. Mais visiblement, elle est refusée et puis lui, il dit « non, en fait, je veux l'accepter ». Ça arrive au bon moment, au bon endroit, machin, c'est... Non, je mais sais, c'est un film. You're missing the point. Est-ce que ça vous dérange pas qu'on ait un protagoniste masculin qui mette tout ça en œuvre pour pouvoir retrouver une meuf qui lui a rien demandé, débarquer dans sa vie, foutre le dawa total parce que à cause de lui, il met en danger non seulement la vie de la meuf, l'opération qu'elle a avec les autres militants. Plus oui, lui... oui et non, parce qu'elle est déjà, enfin, pas sur le côté stalk, mais sur le côté danger, elle est déjà en danger, puisqu'ils veulent, oui, mais... ils veulent la choper, parce qu'elle arrête pas de venir en disant, vous êtes trompé, vous avez emmené le mauvais mec, je veux faire un recours et tout. Et c'est à ce moment-là qu'ils décident de dire, ouais, elle commence à nous gêner, à trop machin. Donc, après, un mec qui fait ça, qui essaye d'utiliser son pouvoir, machin. Ça, oui, c'est de l'abus de pouvoir. En France, on a l'habitude, hein, ça s'appelle Gérald Darmanin, donc t'inquiète. Aussi, ouais. Non, mais après, je vois ce que tu veux dire. Après, Jess, sur le côté, oui, bien sûr, c'est très... C'est chelou, c'est très il bon. La sauve à mort, quoi. Et après, bien il sûr. S'impose dans sa vie. Elle lui fait comprendre plusieurs fois, dégage, j'ai pas besoin de ton aide. Et comme tu dis, il la poque, là, mais je t'aime, mais on t'a rien demandé. Je consens pas du tout à cet échange, dégage, tu vois. Et il fait que lui... empirer la vie à cette pauvre meuf. Et c'est surtout que si c'était mieux fait, ça choquerait moins, parce que à la limite, imaginons, il apprend que bah, quand il apprend qu'ils veulent la tuer et tout parce qu'elle remet en doute des choses, tu dis il veut la sauver pour ça. Bon ben, bah, qu'il cherche les infos pour la sauver, à la limite, pourquoi pas. Qu'il arrive, qu'il lui explique ce qui se passe, comme on disait avec Flo, qu'il dise bah écoute voilà, t'es en danger. Ouais, c'est ça. Ils ont vu que t'avais fait ça, et que tu deviennes menace parce que tu commences à remettre en doute certaines choses. Ils veulent t'éliminer. Je pense que à la limite, si ça s'est amené comme ça, il y a plus trop de problèmes, puisque tu te dis à la limite ce qu'il a fait, c'est dans une démarche de sauver quelqu'un. Là effectivement, mais tout ça, à cause d'un comme tu dis, Jess, il te l'amène comme un vieux stalker où le mec, ouais, là, il... t'as pas l'impression qu'il veut la sauver, t'as l'impression qu'il veut lui dire aime-moi. C'est pas la même chose, effectivement, mm-hmm. clairement. Et non, il la force. J'ai rêvé que je devais te sauver dans un rêve, donc vas-y, c'est dans bon. Dans sa vie à elle, et il arrête pas. Il l'arrête jamais, même quand elle lui dit c'est bon, lâche-moi. En plus, il fait qu'empirer les trucs, tu vois, dans toute la situation, oui. la poursuite dans le camion. Il rend le truc de plus pire à chaque fois, et donc. Son personnage est foncièrement très antipathique. Mais dès le début quand, ouais. quand il la rencontre dans le camion, c'est vite avancer, ouais. vite avancer. Non, j'ai pas envie d'avancer, tu dégages, machin. Il y a les deux gardes, et puis il fait nimp, et tu fais, mais pourquoi tu fais ça? T'es littéralement en train de te tirer une balle dans le pied, vraiment. Et surtout qu'il a... En plus, comme il est chef... je sais plus de c'est comment c'est le service où il est, mais... Surtout comme il est devenu inspecteur de ce service-là, à la limite, il a juste l'arrêté. S'il veut être tranquille, oui. Il dit, je vous arrête, venez avec moi dans mon bureau. Et puis là, après, il lui explique. Quoi. Enfin, c'est, ouais, il n'y a rien qui colle, en fait. Quoi. Désolé, Flo, on t'a coupé pour... Hein? Non, non, non, mais non, mais c'était... c'est pas grave. Ah, okay. Moi, en vrai... après, effectivement, la fin, le plan dans la sorte de on dirait une cheminée de refroidissement. Non, on dirait le labo de professeur Charles ça, ouais. Xavier. Ouais. Le truc où il lit les esprits. Ah, le cérébro. Le cérébro, ouais. On dirait cérébro. Ouais, le cérébro. Mais ça, c'est iconique comme plan. Même moi, ouais. qui moi aussi, j'ai découvert le film là. Même moi, je disais, ah oui, d'accord, donc il vient de là, ce plan. Voilà, je savais que ça venait de là, mais je savais pas à quel moment. Là, j'ai vu, machin, ok. Et ouais, effectivement, là où je te rejoins aussi, Storm, c'est le personnage de Robert De Niro. J'ai fait, putain, mais j'ai juste. Il est exceptionnel. Ouais, le mec, il est exceptionnel, il arrive, ce il fait, bon, je vais faire ça. Ouais, c'est voilà, ça. C'est cool. Allez, salut. Merci. Batman. C'est que je suis Batman. C'est ça, c'est Batman. Et du coup, ouais, j'ai pas passé un mauvais moment, mais ouais, le côté onirique, j'ai dit, ouais, ok, je comprends tout ce délire, liberté, machin. Je sais pas, ça m'a pas mis dedans, ce truc-là. Ok. Je pense que sans ce côté-là, parce que l'univers était déjà bien barré, bien machin, j'aurais dit, ok, pourquoi pas. Là, avec ça en plus, je fais, ouais, mais je comprends hein, pour la fin où on dit bah voilà il est perdu et effectivement t'as ce côté un petit peu soit optimiste si, et tu dis il est dans son rêve machin et le côté pessimiste où c'est ouais mais en fait il a été lobotomisé littéralement donc ouais mais il y a toujours l'espoir tu vois que après il est libre mais enfermé dans son propre corps aussi oui c'est ça c'est ça donc mine de rien il est toujours enfermé donc pas si optimiste que ça Là où je vous rejoins tous, c'est que moi aussi je suis mitigée sur ce film. C'est un film que j'avais tenté de voir plusieurs fois et j'avais jamais été au bout, ce qui est jamais très bon signe. Le truc, c'est que pour moi, j'en ressors un énorme positif et ça reste en positif avec Gilliam. Généralement, c'est que j'adore l'univers qu'il a façonné. J'adore la façon dont cette ville, cette énorme cité est mise en scène. J'adore le fait que t'as cette espèce d'entité vivante dans les murs de tous ces appartements très sales, il fait noir, t'as très peu de lumière du jour, on voit pas du tout de végétation, c'est un monde qui est devenu très peu attirant très en fait. T'as pas envie de vivre là-dedans parce que t'as l'impression que oui, où est la nature, ouais c'est hyper artificiel, bah, c'est, et t'as c'est, donc c'est, ouais. tous ces c'est tuyaux. De la pub partout, machin, pour masquer un petit peu le... Ouais, le, t'as de la pub partout, la et t'as notamment cette entité vivante qui vit dans les murs, c'est des tuyaux, il y en a des millions, ouais. qui sont tous entremêlés, et qui ont l'air de respirer parce qu'ils bougent aussi, et de ouais. temps à autre, ils explosent dans ton appart, et tu dois vivre autour de ces tuyaux, tu vois. Et je trouve que tout ça est tellement bien mis en scène, cet univers est complètement génial. J'adore la façon dont il me met en scène cette espèce de bureaucratie poussée à l'extrême, un état hyper technocrate, où tout le monde court après tout le monde pour faire signer des formes. T'as pas telle forme, tu dois rechercher la forme, le formulaire 52, mais pour avoir le formulaire 52, il te faut le formulaire A432, mais pour celui-là, il te fallait le 52 que tu peux pas avoir. Tu vois, des cercles qui n'en finissent jamais, où il te faut des formulaires tout le temps pour justifier tout. J'adore ça. Les 12 travaux d'Astérix. C'est ça, formulaire B32. la maison des fous. Et j'adorais aussi certaines des lignes narratives qui sont secondaires, mais qui pour moi étaient géniales et trop intéressantes, notamment celle de cet univers où les dames, dans certains âges, ont recours à la chirurgie esthétique de manière assez courante, puisqu'elles en parlent toutes entre elles, et qu'elles se recommandent tel chirurgien versus celui-là parce que leurs techniques sont différentes. Et c'est surtout les méthodes. C'est et ça, les méthodes, ouais, à l'acide ou bien au... Il y en a un, c'est au couteau, c'est ça, ou ouais, au scalpel. Et t'as une de ces meufs, dans la première scène où on la voit, elle n'a qu'un bandage sur le côté de la joue, et elle dit « oui, j'ai une complication ouais. ». La deuxième fois où on la voit, elle a des bandages beaucoup plus qu'autour de la joue, et on lui dit « oui, ben, ma complication est des complications ». Même mon médecin me dit qu'avec une peau aussi fragile que la mienne, évidemment, et tu te dis « mais c'est pas possible ». Et plus le film avance, plus elle a de bandages, pour en terminer sur une scène absolument géniale, où elle est dans un cercueil complètement liquéfié, parce qu'elle a pourri de l'intérieur. Et lui, alors là, on est plus dans une scène un peu onirique où il percute le cercueil, elle se renverse sur lui. Et t'as dans cette scène aussi sa maman à lui qui a rajeuni tellement qu'il y a une espèce de tension sexuelle. Ce qui, plus tard, est très dérangeant quand lui, il consomme dans le lit de sa maman avec cette dame qu'il avait vue dans ses rêves. Et tu te dis, on est full sur l'Oedipe, tu vois, le concept oedipien. On est à mort dedans. Il, comment... Un moment quand sa mère a vachement rajeuni, c'est aussi l'actrice qui joue son love interest, hein, qui la remplace. Mais du coup, on est à mort là-dedans. Mais comme j'aimais pas trop ce personnage, pour moi, ça me vendait rien de positif. Le fait qu'il ait cette bizarre attirance sexuelle pour sa mom depuis le début, qu'il y a un truc chelou, tu vois, et que. Et Il a des mommy issues, hein, ça c'est clair. Ouais. Ah, oui. Et que la façon dont il traitait cette femme dans la vie réelle, parce que lui, il a un crush sur elle, il se sent autorisé à débarquer dans sa vie sans qu'elle ait rien demandé, ça m'a saoulé. Et je trouvais pas que son attitude par rapport au monde dans lequel il vit, je trouvais pas que son attitude changeait foncièrement au cours du film. Le seul truc qui l'intéresse, c'est de pouvoir avoir une relation avec cette meuf qu'il a vue dans ses rêves. Et c'est la seule chose qu'il va poursuivre tout du long du film. Il veut l'aider, elle, pour qu'elle ne soit pas en danger, parce qu'il est amoureux d'elle, alors qu'il ne la connaît pas. Red flag. Et du coup, pour moi, il n'y a aucun moment où lui, il œuvre d'une façon ou d'une autre pour se sortir du système dans lequel il vit et qui n'est clairement pas adapté à la société humaine. Tu vois, ça a l'air d'être horrible de vivre dans ce monde. Et du coup, ça me dérange parce que lui, c'est mon point d'entrée dans cet univers. C'est le protagoniste qu'on va suivre tout le long. Et moi, je n'ai aucun point d'accroche avec lui. Je ne l'aime pas. Je ne trouve pas qu'il ait une moralité bien développée. Mm-hmm. Surtout qu'au début, tu penses qu'il peut avoir une moralité. Il n'accepte pas les ponts pour avoir des... Comment dire, mais c'est plus parce que ça le fait chier. Voilà. C'est pas parce qu'il veut pas la promo, parce qu'il aime pas. C'est parce que lui, il aime bien ne rien foutre et faire sa petite vie pépère. Peut-être, ouais, aussi. Ouais. Ouais. Parce qu'il me semble que ce qu'il le c'est qu'il a pas envie de. Puis que c'est sa mère aussi qui intervient dedans. C'est sa maman qui parce intervient. Parce que sa mère intervient dedans et lui, il a pas envie que ce soit elle qui intervienne. Il a envie de se faire tout seul aussi. Il a ce côté de. D'un petit peu, j'ai l'impression, d'émancipation. Parce qu'à chaque fois qu'il est avec sa mère, ça fait chier en fait. Il a pas envie. Elle l'écoute pas en plus rien donc. Elle l'écoute pas, elle est pas attentive donc c'est bon. Ouais mais c'est ça qui est bizarre parce que tu me présentes ce personnage comme quelqu'un qui a l'air d'en avoir marre de sa situation actuelle et donc je me dis ok sa motivation à lui va être de foutre le bordel dans ce système puisque lui il peut œuvrer de l'intérieur vu qu'il travaille pour le gouvernement. Et je pensais qu'on allait plus sur cet angle-là et que l'histoire de la romance serait un petit peu une histoire secondaire à ça. Mais que son but ultime serait de renverser le gouvernement en place parce qu'il verrait une opportunité de le faire. Mais on n'est pas du tout là-dessus. Lui, le seul truc qui l'intéresse, c'est de se taper la meuf de ses rêves, littéralement. Et ça, c'est un peu dommage. Bah, et puis littéralement, le film, limite, se termine comme ça. Quand il y a plus, il se fait arrêter à ce moment-là, en fait. Il a consommé, terminé. Puis c'est même pas parce que tu dis, arrivé à un moment, il pourrait vouloir l'aider, puis se retrouver, entre guillemets, embrigadé dans cette espèce de résistance pour lui filer un coup de... Mais même pas, en fait, ça va même pas là-dedans, quoi. Ouais, c'est juste, c'est un love interest, je la veux, c'est tout, quoi. Mais c'est dommage parce que explorer l'univers qu'il a créé aurait été une super idée. Parce que moi, je trouvais que c'était tellement bien conceptualisé. Oui. Que ce soit les sets, le design des sets, tu vois, le world building aussi, d'avoir ce personnage comme De Niro qui vient de nulle part et pourtant il a tout en sens. Tu comprends et le sens de ce personnage dans cet univers. Pourquoi lui il existe et pourquoi lui. À son niveau, à lui, ce qu'il fait, c'est un petit peu du sabotage, mais, ouais. Mais il est trop chouette. Ouais, c'est dommage. Et autant, moi, j'aurais adoré passer un film avec les vieilles qui font de la chirurgie esthétique. J'aurais adoré. Montre-moi plus de ça. Parce que t'aurais bien rigolé en plus. Ouais, hein. C'est ça, quoi. C'était génial, cette storyline. Et pourtant, Jonathan Pryce, donc Sam Lowry, c'est le seul truc que j'aime pas. Et pourtant, c'est l'élément central. C'est le fil conducteur entre toutes les séquences et moi ça me plaisait pas. Et du coup ouais, avis mitigé mais positif parce que l'esprit de Terry Gilliam, tu vois, et j'accroche énormément à sa vision. Tout le autour de ce gars-là, tout est plutôt cool en fait. Bah tu ne peux qu'adorer. Alors c'est tellement imprimé dans la pop culture, mais cette scène où les meufs se font tirer la peau, tu sais, avant... Ouais. Ça ressort tout le temps, quoi, et c'est génial, et cette idée d'un monde où, passé un certain âge, toutes les femmes, uniquement, apparemment, doivent absolument rajeunir. Attention, on ne n'est pas plus de 50 ans. Forcément, nous, je sais pas, je pense que beaucoup de femmes trouveront ça tellement... Bientôt, Jess, pour toi, bientôt. Au monde actuel, tellement tôt pour moi. Ouais... C'est difficile en fait de critiquer ce film parce qu'il y a tellement de bonnes choses dedans et ce serait difficile de le déconseiller parce que je pense que plein de gens pourraient trouver tellement pour se pour être satisfait. Avoir une fois, je pense quand même. Ouais. Je pense qu'il faut au moins le voir une fois. Mm-hmm. Après, on adhère pas, mais je pense que ouais, il mérite quand même de prendre un visionnage pour ceux qui l'ont pas vu. Je suis assez d'accord. Est-ce que ça vous tente qu'on passe sur le dernier morceau, le plus gros morceau, je pense, le film de Storm ? Enfin un bon film, quoi. Terminator. Un film facile. Oh. Un choix facile. Hey, j'aurais pu prendre Ghostbusters. Calme-toi, Ratatouille. En plus, j'aurais pu prendre Ghostbusters. En plus, c'était les 40 ans. Donc. Ça aurait été un choix facile aussi. Ouais. Oui. Mais dis-nous, Storm, c'est bizarre parce que cette date de sortie me paraît un petit peu bizarre pour Terminator. Non, pas tant que ça. Alors après, où donc as-tu donc été donc chercher cette date de sortie? J'avais plusieurs, plusieurs endroits où retomber. Donc j'ai pris Terminator de base. J'ai pris la sortie algérienne, donc le 7 février 1985. Après, je pouvais aussi, parce qu'il est aussi sorti au Congo le 14 février, si jamais. Ah, ouais. Et à Sao Tomé et Principe le 25 février, si jamais. J'aurais peut-être pris ça, d'accord. Moi, du coup. Voilà, donc... Mais en fait, en février, il y avait beaucoup de choix. Il est sorti à Niue le 9 février 1985 aussi. Donc, voilà. Comme quoi. Et comme quoi, en cherchant bien. On arrive à trouver... Faites des efforts, les gars, franchement. Ouais, quand même. Donc, eh ben, on va parler de quoi ? On va parler de Terminator, donc. Dans cette ville, dans l'ombre propice de la nuit, quelqu'un est à la recherche de Sarah Connor. Sarah Connor ? Oui. Sarah Connor, âgée de 35 ans, a été sauvagement exécutée chez elle. T'es mort, chérie ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, un deuxième cadavre. Sarah Louise Connor. Pas possible. Nous vous donnerons d'autres détails sur ces meurtres dans notre prochain journal. Elle ne le sait pas encore, mais c'est elle qui veut tuer. Tu as pu joindre la suivante de la nuit ? Non, elle est toujours sur répondeur. Mais qu'est-ce que tu fous, bon sang ? J'ai peur, j'ai besoin de toi. Il y a un homme qui n'arrête pas de me suivre. Personne ne pourra la sauver. Sauf... Je vais vous sauver. Ma mission est de vous protéger. Vous êtes programmé pour extermination. Je deviens folle. Tu l'as tué. Comment peut-il se relever ? Ce n'est pas un homme, c'est une machine. Des êtres comme ça, ça n'existe pas. C'est vrai. Pas avant 40 ans. Tu veux dire que tu viens du futur ? Ils sont là pour se battre. Celle dont dépend leur avenir pourra-t-elle être sauvée? Et ce Terminator pense pouvoir arriver à anéantir le mécanisme de son ennemi? L'un est venu pour la sauver. J'ai traversé le temps pour toi, Sarah. De James Cameron, donc. Film sorti en 85. Donc, en Algérie. Février 85 en Algérie. Donc, film de James Cameron sur un scénario de James Cameron et Gail Ann Hurd, donc, qui a été sa femme par la suite. Donc. Ensuite, on est sur un box-office de... Enfin, non, sur un budget de 6,4 millions. Pour un box-office environ de 80 millions. Donc lui, il a fait une très belle pirouette. Déficitaire, du coup. Ouais. Ah ouais, il a fait une très belle pirouette, ouais. Une donc, bonne culbute. On est sur une musique emblématique, enfin je pense, pour moi, ouais. Qui est une des musiques emblématiques du cinéma, vite fait, de Brad Fidel. Donc moi, que je connais également pour Vampire, vous avez dit Vampire, qui a aussi œuvré sur T2 et sur True Lies aussi, accessoirement. Sur le casting, bon ben bah, on a nos classiques, hein. On va avoir donc Arnold Schwarzenegger donc dans le rôle du Terminator, on va avoir Michael Biehn dans le rôle de Kyle Reese, Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor, on va avoir Lance Henriksen qui va jouer le rôle du sergent Al Kubovich, et donc en connu encore, on a Paul Winfield qui joue le commissaire Ed Traxler, qui est le Black. Et puis si aussi j'ai oublié Earl Bone qui fait le docteur Silberman qui sera aussi dans le 2. Et on peut même rajouter Rick Rossovich qui avait joué dans Top Gun. C'est le petit ami de la coloc. Oui. Et puis voilà. Il a pas un grand rôle mais on l'avait vu dans Top Gun. Et il y a j'ai un trou de mémoire. Celui qui fait Hudson dans Alien. Arnold Schwarzenegger. Non. Merde. Ah oui, tu as Bill Paxton. Bill Paxton, voilà. Qui joue à des punks au début. Oui, il n'est pas connu, il joue à des punks au début. Ouais. Donc, Terminator, y a à dire quand même. Hein. Donc, la genèse du film, elle arrive donc. Si peu à dire. La genèse du film, donc, elle arrive donc de James Cameron, donc, où pendant son tournage de Piranha 2, donc, à l'époque, qui s'est très mal passé. Donc il est tombé malade, il a fait des fortes fièvres, et pendant ces fortes fièvres, donc il avait des... Une vision. Une vision, des rêves d'hommes robots dans des flammes et tout et tout. Et il a dit putain, ça c'est trop balèze. Donc quand il a eu fini cool. Quand il a eu fini ce bordel avec Piranha... Oui, Tom, vas-y. Il les a dessinés. Sur croquis à chaque fois. Ses visions sur des cahiers. C'est un super dessinateur en plus. C'est incroyable le talent qu'il a et juste dire c'est dommage parce que l'expo est terminée, mais l'expo James Cameron à la Cinémathèque l'année dernière, elle était absolument exceptionnelle. Malheureusement non parce que personne peut y aller, il y avait beaucoup de schémas sortis de ces petits cahiers machin et tout qui étaient exposés, et c'était magnifique, c'était superbe, franchement. Incroyable. Pas de soucis. Cameron, donc, et quand il a eu fini sa fameuse mésaventure avec Piranha 2, donc il s'était très mal passé, puisqu'il n'a pas reconnu le film, enfin bon, ça a été un bordel. Quand il est revenu aux États-Unis, donc il a parlé de cette idée à un de ses potes, et il a posé sur table son scénario. Donc, et sachant que c'est un sujet, de toute façon, la robotique, la NASA, le sous-marin, tout, enfin, c'est son dada, hein, les océans, enfin, c'est vraiment son truc à Cameron. Et c'était déjà plus ou moins la base de son court-métrage qu'il avait fait, Xenogenesis, en 1978, qui racontait déjà l'histoire aussi d'un homme qui était moitié homme, moitié robot. Donc, c'est déjà un truc qui lui trottait dans la tête depuis un petit moment, quoi. Donc, il a écrit le scénar, qu'ils ont retravaillé machin. Donc, lui, ce qu'il voulait à tout prix, c'était réaliser le film. Donc, ils ont commencé à vouloir chercher. Et donc, c'est là qu'il a rencontré Galen Hurd, et qui se sont arrangés. Donc, il y a cédé les droits du film pour 1 euro. La seule contrepartie, c'était qu'il fallait que ce soit lui qui réalise le film. Là, comme un accord, c'était bien, hein, un scénar pas cher, et puis lui, il pourrait réaliser, c'est bon. Okay. Et d'ailleurs, qui est devenu sa femme par la suite, de toute façon. Ensuite, donc, il a fallu aller chercher des fonds, et c'est là que ça a été le plus drôle. Donc, ils ont d'abord été, ils ont été démarchés Orion, donc quelque chose qui fait plaisir quand même. Enfin, je pense, Tom, t'es comme moi, quand je lance, je vois marqué Orion, Carolco ou bien la Canon, moi, je suis toujours content. Donc, ouais, ouais. Donc voilà. Donc, il a fallu chercher vivement des fonds. Vivement qu'on parle de Robocop. Oh là là, putain, ouais. Oh, que ça va être quelque chose. Oh putain. Et il a fallu chercher des sous, donc Orion, ils ont dit « Ok, nous on est chaud patate, mais en contrepartie, on finance pas tout seul, parce qu'on n'aura pas les reins assez solides pour, comment dire, pour financer un truc comme ça. » Donc alors, ils ont dit « Bon, bah d'accord, on va essayer de chercher à gauche, à droite, pour trouver un petit peu de pognon. » Et c'est là que ça a été un gros bordel, donc alors si je me souviens bien, je l'ai mis dans mes notes normalement. Alors ils ont été voir John Daly, donc producteur, qui a dit « Bon, bah ok, moi je vous suis, le scénar lui plaisait bien, et tout, et tout. » Et derrière, donc lui a injecté du pognon avec Orion, et derrière, il y a HBO qui a injecté du pognon dans le film aussi, donc ce qui a permis de pouvoir faire le film. Donc au départ, avec un budget qui était de 4,2 millions, je crois même, et qui a fini à 6,4 millions en surévaluation. Donc qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant, sachant que bah, déjà Cameron avait déjà des idées de ouf, hein, parce que normalement déjà sur le premier scénar de Terminator, lui il voulait deux Terminator, c'était pas un homme et un Terminator, donc ça aurait été normalement un T-800, donc le Schwarzenegger classique là, et un T-1000, donc le métal liquide. Seulement, bah, en 84, c'était un petit peu trop chaud patate, donc il a fallu revoir... compliqué à réaliser. Voilà. Donc il a fallu revoir un petit peu tout ça à la baisse, et puis on a dit, bah écoute, t'es bien gentil, mais ça va pas être possible avec les moyens qu'on a à l'heure actuelle. Bon, bah il a dit tant pis, bon. Ça a pas été... Il a gardé l'idée dans la poche. Voilà, ça a été décalé de 7 ans, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, ils ont dit, hop, comme ça, on garde. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Ah, bah t'as toute l'histoire du casting qui est assez rigolo aussi. C'est le casting avec Schwarzenegger. Donc Schwarzenegger au départ, lui il voulait pas plus que ça, mais bon, on lui a conseillé, vas-y. Il a été, lui il voulait venir pour Kyle Reese. Et donc quand Cameron on lui a dit Schwarzy, donc lui il a vu Conan le Barbare, il a dit, ouais bof machin, moi il me plaît pas trop plus que ça, enfin on verra bien quoi. Et donc au final l'addiction pouvait poser problème. Bon, ouais. Bah, d'ailleurs oui, il y en a eu des, enfin sur l'addiction, c'était un peu le bordel quand même. Et lui Cameron, il a dit bon, c'est pour ça qu'il dit que 70 mots dans le film. Bah, 70 mots, il a été payé $75,000 pour 70 mots quand même, hein. Tu dis ça fait bien, ouais, le mot, hein. Ouais. C'est pas mal le mot quand même. Bien payé. Il a quand même pas touché tant que ça, hein, $75,000 pour le comme cachet, c'était pas bon. Après c'est début Schwarzenegger, hein, c'est pas Schwarzenegger de 7 ans après, hein. Mais et donc lui il l'a reçu parce que bah il dit de toute façon je suis obligé de le recevoir, hein, en casting, j'ai pas le choix. Mais bon, dans sa tête Cameron, de toute façon je vais le flinguer au casting comme ça, il me convient pas, je vais faire des trucs de merde et puis ça va bien se passer. Il voulait que ce soit Lance Erickson le. Ouais, au départ il a voulu Lance Erickson. Et puis au final Schwarzy est venu et puis ben le courant est mieux passé que ce qu'il pensait et puis il s'est dit. Ouais, ok. Et puis, ben, t'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Tom, et ses dessins. Puis là, pendant qu'il faisait discuter avec Schwarzy au casting, eh ben, il a croqué Schwarzy en Terminator. Donc, avec sa tête, Schwarzenegger d'un côté et l'endosquelette de l'autre. Et ouais. Il a dit, non, ok, on arrête là. En fait, moi, je te veux, mais je te veux pour le Terminator. Quoi. Et pas pour Kyle Reese. Alors, au départ, il était pas trop chaud, Schwarzy, mais il a quand même pris le rôle, puisque lui il disait à ce moment-là, quand il était, je crois que c'était sur le tournage de Conan le Barbare, qu'il disait quand on lui parlait, oui, apparemment vous allez tourner un film avec un réalisateur, un film avec un robot, oui, non, mais bon, c'est un film avec une histoire de merde, avec des robots, c'est un film mineur, ça fera rien. Mais un bon nez, Schwarzenegger. Ça a juste fait sa carrière. Ouais, il est un bon nez, Schwarzenegger. Ça a juste fait sa carrière. Donc, après, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Non, oui, pour le rôle de Terminator, ils ont voulu, il y a un moment, ils ont proposé à Cameron O.J. Simpson, quand même. Et là, il a dit, ouais, non, enfin, je le sens pas trop. Bon, alors ils ont dit non. Et après, il y a eu envisagé Mel Gibson. J'ai dit, putain, la vache. José Velasco. Alors, Mel Gibson, il a refusé. Et Stallone aussi, qui avait été envisagé. Et qui a refusé aussi, pour le coup. Lance Erickson, pardon, il avait été envisagé aussi parce qu'il s'en était. Alors, quand il veut, de toute façon, Cameron, il est trop fort. Il s'en était servi de lui, parce qu'ils sont amis, Lance Erickson et puis Cameron. Il s'en était servi pour justement récolter des fonds. Quand il a démarché à Orion, pour avoir du pognon, il a envoyé à la réunion, en première partie de réunion, il a envoyé Lance Ringsen avec un vieux blousard en cuir, tout maquillé avec des griffures sur la gueule et tout, puis les dents tout peint en argenté, tu vois. Genre, je suis un Terminator, quoi. Et il est rentré là-dedans comme ça, et puis après, Cameron, il arrive, il fait « Oui, voilà, c'est mon projet de film et tout », puis on dit « Ok, ça va, ça nous plaît ». Donc. Et après, comme il n'a pas pu l'avoir comme Terminator, il y a quand même refilé un rôle dans le film, donc le rôle du sergent, là. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? Pour le Kyle Reese, y a Sting qui avait été suggéré pour jouer le rôle de Kyle Reese. Et au final, ça n'a pas été... Tout aurait été meilleur que ce mec. Non, Michael Biehn, il est cool. Oh my fucking god. Donc, ouais, mais c'est parce que t'as pas signé un flingue. Moi, il m'a signé un flingue, il est cool. Ah, tout ça parce que t'as signé un flingue. Il est peut-être cool, mais à l'écran, entre Schwarzenegger et Hamilton, lui, il n'existe pas. Bah ouais, mais on s'en fout, il sert à rien dans le film. Oui, mais c'est un manque de charisme total, t'as un petit trou noir comme ça. Pourquoi ils ont casté ce mec dans le rôle? Enfin, tu vois, pour moi, tu poses le doigt sur le souci du truc, c'est le mec, il n'existe pas et on s'en fout dans le film. Bah alors, pourquoi il remonte le temps? On s'en bat les couilles. Bah si, il est obligé, sinon il n'y a pas John Connor. Bah oui, ça perd. Oui, ouais. Oui, mais là, en fait, à part ça, il sert à rien, comme tu dis. Donc, si, il sert à il un truc sans lui, même. Il y a clairement pas de... Il fait rien du tout, il fait rien du tout. Protège. Je suis désolé, messieurs dames, arrêtez. Messieurs dames. qu'est-ce que j'avais d'autre? Bah, pour Sarah Connor, Linda Hamilton, le choix s'est fait assez cool, parce qu'au final, c'est elle qui détonnait qui sortait du lot de tous les autres. Parce que ce qu'ils reprochaient à toutes les filles qui ont passé le casting, c'est qu'elles étaient trop dures. Alors que Hamilton, ce qu'ils aimaient bien, c'est qu'elle avait un côté vachement doux comme du femme. Du coup, est-ce qu'ils ont râlé quand elle a mis du muscle pour le second? Non, parce que ça, c'était voulu. Parce que dans le 2, elle doit être préparée à ça, puisqu'elle doit former John. Oui. Juste. Donc, c'est une évolution du perso, en fait. Ouais, bah apparemment, là, elle a surpris Schwarzenegger quand elle a débarqué sur le set du 2, parce qu'il ne s'attendait pas à la voir, elle, aussi musclée. Ah ben, elle a fit, hein. Ouais, c'est clair. Hein. Et il s'est dit, oh, ok... Elle a pas, bossé. Quoi. Ouais. Okay, qu'est-ce que j'avais lu ? Ah oui, qui m'a fait rire aussi. Ah bah du. Bah, après, ça c'est pour le tournage. Donc, on aurait dû débuter en 83 le tournage de Terminator 1. Et en fait, on a notre ami Dino De Laurentiis, qui était en contrat toujours avec Schwarzenegger pour Conan le Destructeur. Donc, a fait une petite cartouche à Cameron en lui disant bah écoute, moi je fais jouer ma clause de son contrat. Pendant 9 mois, il peut pas venir tourner chez toi. C'est très sympathique quand même, Dino. Qu'est-ce donc, que ça lui faisait gagner à lui que... Juste te faire chier. Bah, c'est Dino. Hein. Ah. C'est Dino, il est comme ça. Il aime quand ça va bien. Donc, il aime bien juste embêter les gens. Ah, juste faire chier, ouais. Là, c'est Dino De Laurentiis, c'est ça. Rude. Quand t'es dans son sens, ça va. Quand t'es pas, quand t'es pas avec lui. Sympa. Et mais bon, ouais, en contrepartie, donc ça a retardé le tournage, mais bon, ça a permis à Cameron de bosser sur le scénar de Rambo 2 quand même, hein, donc voilà, c'est pas rien. Ah, mais on n'a pas tout perdu. Hein. Non, et ouais, ça y a permis de bosser sur quelques trucs à côté, donc bon, c'était pas très grave, quoi. Mais j'ai bien aimé le côté de Laurentiis qui fait bah non, puisque c'est ça, t'auras pas ton acteur pendant 9 mois, j'utilise ma clause. C'est vachement sympa, quoi. Après, qu'est-ce que j'avais? Bah après, c'est au niveau effets spéciaux, où là, c'est le plus fun, quoi. Donc là, on va retrouver, comme d'habitude, hein, Jess, notre ami Stan Winston. Figure-toi que j'avais regardé Terminator avant le film de Relic, le même jour, par contre. Du coup, j'ai vu Stan Winston's name, donc son nom, deux fois dans la même journée. Et en plus, comme j'ai vu de Relic après Terminator, je me suis dit, oh cool, les effets spéciaux vont être bien. Mais... c'est quand on n'est pas sur le même niveau quand même, tu veux être d'accord. Bah, de Relic, c'est pas Terminator. Bah, ça dépend, parce que après, Stan Winston, lui, c'est généralement c'est, sur Terminator, il gère que l'endosquelette, hein, quasiment. Que le Terminator ouais, lui-même. Il est bien. Il est bah oui, mais Relic, elle est bien, la créature. Mais lui, il gère moi, que la créature. Il gère ouais. pas le nul. Mais je sais que Stan Winston, c'est un nom là-dedans, et de fait, sur Terminator, t'es pas déçu des effets pratiques. Je dirais pas que c'est The Nom, mais oui, c'est dans les plus gros, Stan Winston. C'est un très grand nom des effets spéciaux. Ouais, c'est vraiment des mecs. Ouais, là, t'es. Et là, donc, t'as lui qui bossait essentiellement sur l'endosquelette. Lui, son taf, c'était de faire que l'endosquelette marche, donc Donc c'est, il y en avait deux à taille réelle, alors moulés avec sur en silicone, enfin tous des trucs de dingo, enfin bon, ce qu'ils aiment faire quoi. Derrière, t'avais un gars que tu connais qui bossait dessus aussi, je pense Tom. Donc sur les effets spéciaux. Enfin non, qui devait bosser parce que Cameron il voulait Dick Smith. Alors peut-être que ça te coûte, Dick Smith. Ah, ça me parle pas, Dick Smith. Ah, c'est le mec qui a fait les effets spéciaux sur Le Parrain et Taxi Driver. Ouais, alors sur Le Parrain, il y avait quand même pas masse non, de. Non, mais je pense que c'est, oui, ça devait être. Les... C'est vrai que ça n'avait pas. Eh ben, apparemment, Cameron le voulait lui au départ. Et lui, il a refusé le poste. Et c'est lui qui a proposé Stan Winston à Cameron. Et je pense que là, pour le coup, bon choix. C'était pas loupé du tout. Quoi. Et derrière, tu as le studio de Gene Warren, donc Studio Fantasy 2 Effect, qui ont beaucoup bossé. Ils ont bossé sur tellement de choses, eux aussi. Qu'est-ce que j'avais noté sur True Lies, sur beaucoup de Gremlins, sur Dune aussi, donc ça. Et en maquettiste derrière, parce que t'avais une équipe de fou, t'avais Mike Joyce qui lui bossait sur Mars Attack, t'as Gary Rodobach qui bossait sur True Lies, et t'as Joe Viscosil qui bossait sur Independence Day. Donc au niveau équipe de maquettiste, il y avait du monde. Ouais, il y avait vraiment du gros monde. Mais de toute façon, tu vois toutes les maquettes, elles ont été dessinées par James Cameron. C'est lui qui a fait tous les designs des tanks, des robots, des fais rien sans son aval. Hein. Il disait Winston disait même le T-800 en fait 97% du T-800, c'est le design de Cameron. Il a quasiment rien rajouté, lui il a juste donné vie quoi. Et au niveau des maquettistes, pareil, les mecs ils disaient, tu bosses avec Cameron, Cameron il fait tout, il fait tout, il sait ce qu'il veut, c'est un ultra perfectionniste à mort, le mec, il n'y a rien qui est jamais laissé à la légère dessus, quoi. Tout est storyboardé à gogo, et puis le boulot que c'est en maquette, quoi. Tout est reconstruit en format 1 tiers ou en format 1 quart, c'est du contre-champ, enfin c'est tout des trucs de dingo, quoi. Puis tu le vois, honnêtement, quand tu vois le film 84, il n'a pas tant vieilli que ça en termes d'effets spéciaux. Ah non, t'es à 40 ans, ça se tient bien. Franchement, t'as quelques... Genre la tête, quand il va s'enlever l'œil et tout, tu vois que c'est de l'animatronique, mais honnêtement, je trouve que sur l'ensemble, ça a vraiment bien vieilli. Le stop motion sur le T-800, il est top. Donc voilà. Après, que dire du film? Bon, est-ce qu'on le pitch? Oui, on pitch quand même Terminator, ouais. Allez, pitchons-le. Eh ben, Terminator, donc on va se retrouver avec deux personnes envoyées du futur, donc un humain et un androïde. Un cyborg, oui, même. Donc, le cyborg pour tuer une femme donc, qui est Sarah Connor, et l'autre humain qui est là pour protéger Sarah Connor, donc, qui sera la mère du chef de la résistance du futur, empêcher... Enfin non, à ce niveau-là, ils n'en sont même pas à essayer d'empêcher la fin du monde. Ils en sont à juste sauver le chef. Voilà, non, la protéger. Juste la protéger pour que John Connor puisse exister. Voilà, pour que John Connor puisse exister. Et voilà. Le pitch est assez cool. Pas très dur. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce film, déjà? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas aimé Terminator? Jess? Et pourquoi tu me single out? Bien sûr que non, j'ai pas détesté Terminator, tu rigoles ou quoi. Par contre, ce qui est bizarre et fun, c'est que je ne l'avais pas vu, le premier. T'avais pas vu le premier? Non. Moi, je suis rentrée dans cette... Alors, bizarrement, j'ai des souvenirs d'avoir vu le 2 et le 3. Comment t'as pu aller dans un cinéma voir le 2 sans avoir vu le premier, quoi? J'ai pas vu le 2 non plus. Elle a pas vu le 2 non plus, c'est peut-être ça aussi. Non, j'ai vu le 2 à la télé avec mes parents, il me semble, mais j'étais encore jeune. Par contre, en grandissant, j'avais hyper conscience de ce que c'était Terminator, de ce que l'histoire racontait, de toutes les références, parce que comme tu dis, ça a perméé dans toute la pop culture. Et tu penses au film La Cité de la Peur quand il y a cette vanne toc-toc, Donc j'avais très bien conscience de ce qui se passait, je savais que c'était le rôle. Clé pour Schwarzy qui avait vraiment propulsé sa carrière sur le premier plan. Ce qui est bizarre, c'est que je suis rentrée dans la saga et que j'ai fait un effort, moi, pour voir un film avec celui de Christian Bale. je sais plus trop quand c'était sorti, mais c'était le bazar. Ouais. C'était pas Salvation? Salvation, ouais, et Renaissance chez nous, je crois. Ah, ok. Et du coup, moi, je suis rentré dans la saga avec ce film-là, que d'ailleurs j'avais aimé parce pas que. La meilleure pas la meilleure porte d'entrée. Bah, moi, c'est j'avais trouvé le... ça fun. Tu pour, pour le coup, c'est pas le plus mauvais qui a été fait au final, oui. Ah non, non, non. Ah, mais c'est ça, parce que j'ai persévéré, tu vois, j'ai persévéré avec tous les films. Et bien que je sois super heureuse pour Linda Hamilton, que elle est, tu vois qu'il l'ait castée l'an dernier, j'espérais que pour elle, ça allait être un nouveau souffle insufflé à sa carrière. Alors, malheureusement, ce film était c'est très le pire, moyen. C'est le pire, le dernier, je crois. C'était pas très bien. Pire que Genesis. Ah non, non, non. Ah non, je suis pas d'accord. Oh non. Ouais, Genesis, c'est horrible. Genesis, ouais, c'est pire. Genesis, et dans Dark Fate, t'as un T-800 qui change des couches. Ouais, non, mais c'est bon, quoi. Je crois que c'est encore pire. Non, sérieux, je crois qu'il est pire que Genesis. Et Genesis, c'est caca. Hein. Donc, Genesis, c'est pas top top. Dark Fate, c'est vraiment pas top top non plus. Après, il y a Linda Hamilton dedans, donc ça passe mieux. Mais du coup, pour moi, l'effet que ça m'a fait de voir le premier me fait un petit peu penser à l'effet que les gens qui avaient vu le premier au cinéma ont ressenti quand ils ont été au deuxième au cinéma. Et qui se sont rendu compte que Schwarzy, il jouait pas le méchant dans le deuxième. Parce que imagine, sans avoir les spoils, sans savoir ce qui va se passer, tu dois être complètement ahuri dans le cinéma, à gueuler, à lancer tes pop-corns. C'est un twist de fou. Et pour moi, le fait de vivre ce premier Terminator où Arnold Schwarzy, il est méchant tout du long, alors que moi, je n'avais que connaissance des films où il était tout le temps gentil. Finalement. Il n'est pas méchant, hein, il a sa mission. Oui, ok, mais c'est la machine inéluctable, la machine à tuer. Ouais. Total. Pour juger. Et du coup, c'était super fun pour moi de voir un film où il était le méchant, il était l'antagoniste tout du long. Qu'est-ce que tu veux que je dise de mal? Parce que, en fait, le coup de génie, c'est clairement d'avoir, d'avoir construit ce film autour de Schwarzenegger, et de comprendre le fait que Schwarzenegger, avec ses talents, alors désolé, ses talents d'acteur limité. Ah oui, non, si il n'est pas un très bon acteur, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, on le sait. Ouais, hein. Mais si tu arrives à en faire une force, tu as tout gagné, et c'est ce qu'il a fait. Et il n'y a que deux rôles qui conviennent parfaitement à Schwarzenegger, c'est soit être un androïde sociopathe, ou un mec de l'armée, tu sais, à la Predator, un mec qui est l'alpha Dutch. Des alphas. Ou Conan, hein, Conan. Ou Conan, mais Conan, c'est aussi un alpha, seul. Tu vois. Donc, il n'y a que ces rôles-là qui vont pouvoir lui convenir. Le truc, c'est qu'ici, tu m'amènes ça sur un plateau en or avec une espèce de... une projection dans un avenir complètement dystopique, mais atroce, où les machines auraient pris le pouvoir, parce qu'on aurait développé l'intelligence artificielle qui aurait eu le moment de la singularité, et puis, elles auraient décidé de nous exterminer, mais pas pour que la Terre puisse poursuivre et vivre dans une harmonie totale, pour dominer totalement la Terre, construire que des trucs, on va dire des armes. Elles sont très axées défense, les machines, il me semble. Elle ravage la planète. Du coup, tu te dis, oh, quel enfer atroce. Et il te dit, mais tu peux empêcher tout ça dans ton présent à toi. Imagine quel point d'accroche quoi, pour les audiences. C'est génial. Le concept est super top. Évidemment, Schwarzenegger, il transcende ce film totalement. Mais Linda Hamilton aussi, c'est une vraie force dans le film. Même moi, je l'aime beaucoup, donc je ne suis pas forcément objective. Mais je la trouve très chouette parce que non seulement, comme tu disais, elle fait douce, mais forte. Il y a les deux. Et à la fin, quand elle doit vraiment s'en sortir toute seule parce que Kyle Reese, il est goodbye, là, j'étais un petit peu contente, je vais pas vous le... Parce que pour moi, lui, c'est le mouton noir du truc. Qu'est-ce que c'est que ça Mais elle s'en sort toute seule et elle doit se battre toute seule. Et à aucun moment, tu te dis, ah, mais elle, sans un mec, elle va jamais réussir à pouvoir s'en sortir, tu vois. Tu crois en elle tout du long. Qu'est-ce que tu veux que je dise de négatif? J'ai adoré, c'était une découverte, et je m'attendais peut-être à ce que certains effets fassent dater, et pour moi, le seul truc où je me dis, ah, c'est un peu nul, c'est qu'en fait, il a perdu son enveloppe organique et qu'il n'est plus qu'exosquelette, et que le bazar avance un petit peu, mais de manière hyper raide sur les pavés, et tu te dis... Ah, j'aime bien, moi, ça. Mais ouais, mais ça colle pas avec ce que j'ai vu que lui pouvait faire avant. Maintenant, il a l'air pas très habile. Oui, mais parce qu'il y a eu l'accident de camion. Il a une rotule qui est pétée. Oui. LOLs, il est... c'est un robot, que je non. pense pas qu'il... Bah si, il boite, tu le vois boiter. Si, il boite. Bah non, il boite. C'est un robot... Non, mais ses pieds ne sont même pas à plat sur le sol, ils sont un petit peu en angle, et tu te dis, ah, on voit que c'est un espèce de squelette qui est... Je vais rien dire de négatif, mais... Moi, je peux plus rien dire, moi, je m'en fous, tout le monde peut dire ce qu'on veut, quand je vois toutes les merdes qui sont en 2024-25 en effet spéciaux, mais ça me fait tellement rire, quoi. Donc, c'est clair, ça tient le test du temps complètement. Quand t'as la scène de l'exosquelette qui sort du camion qui vient d'exploser, mais cette scène, elle est ouf. Quoi. Quand, et tout quand est tu, ouf. Tout il est se bien. Relève, là. Et le ton du film comparé aux deux, ça, c'est comme Alien et Alien 2, tu vois. Tu sais jamais. Moi, j'aurais presque une préférence pour le premier ou deux, des fois, tu vois. C'est le côté inéluctable qui te plaît. Le truc et où... même tu regardes le film est beaucoup plus sérieux que le 2. Le 2, ouais. Il est sérieux, mais t'as plein de vannes. Enfin, tu vois, Schwarzy, ils en ont fait un rigolo dans le 2. T'es un gamin, t'es obligé de... Voilà. De dans le premier, ambiance. Le film, il est hyper noir, il est hyper sérieux, c'est tout le temps de nuit. Mm-hmm. T'es à la limite du film d'horreur, hein, parce que tu regardes le Schwarzy, c'est presque un slasher, hein, lui. Hein. C'est presque un tueur c'est de slasher. C'est le boogeyman ultime, voilà. Il ne s'arrêtera jamais. T'as Linda Hamilton... C'est la scream, aussi la son scream point girl. De vue, son point ouais. de vue où tu commences à comprendre, tu fais « Oh putain, attends, en fait, le truc... » tu peux même pas toi en tant qu'humain savoir que lui c'est un robot. Ouais c'est ça. C'est... Parce qu'au début tu te dis bon c'est peut-être c'est un humain puis au fur et à mesure tu te dis putain mais ouais. Il est balèze quand même parce qu'il prend des balles, il se relève, donc au bout d'un moment tu dois te douter qu'il y a un truc. Mm-hmm. Puis effectivement quand t'en arrives jusqu'à la scène où il brûle et qu'il y a plus que le squelette, tu te dis oh putain c'est ça le Terminator. Tu mais même avant tu vois qu'il oui, a, quand il s'enlève l'œil ou tu vois ouais c'est ouais. Qu'il a une vision robotique et tout et c'est là où tu te dis bah c'est que à mon avis au départ tu penses qu'il est à moitié cybernétique ouais, tu sais à pas moitié trop humain, ce que alors qu'au final non c'est juste le mec c'est un robot et ils ont réussi à créer limite l'arme parfaite. D'associer ça au physique hors norme de Schwarzy qui est encore pic physique, tu vois, à l'époque. Ah oui, et du coup, tu crées la tempête parfaite. Of course que ça allait être son rôle culte. Il est indissociable de ce rôle. C'est génial. Entre sa stature, sa tête, je veux dire, le mec a zéro sentiment, Schwarzy. Il est angulaire, ouais. Il a pas de sentiment, le mec, quoi. Tu sais, il y a jamais rien, il y a pas une émotion qui Cameron, passe. C'est il lui a pris le cœur, il a fait ouais, le c'est un truc de fou, quoi. Et c'est pour ça qu'il est pas très bon dans les comédies pour gosses, moi, je trouve, Schwarzy, parce que il y a un côté bizarre quand il sourit, et comme tu en dis, il y a peu d'émotion, il fait peur. Ça me rappelle la flic à la maternelle quand il rigole, quand tu fais ah ouais, merde, il fait flipper, en fait. Mais ouais, mais il a pas en face. Mais sa palette d'acteur, heureusement pour lui, c'est un petit peu étoffé au fur et à mesure de sa carrière. Mais là, on est sur ses premiers films, et effectivement, comme dans Conan, voilà, faut mieux pas qu'il parle trop dans après, ce film. Ça commence à être un petit peu mieux dans Predator, et puis ouais, après jouer les muscles, et après on verra. Après, beaucoup disent que de toute façon, à la différence de Stallone, Schwarzenegger, ce qu'a fait sa carrière, c'est qu'il a toujours eu de bons réals pour le faire tourner quand il fallait, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, quand il a vers un peu plus tard, quand il tombe un peu moins en star power, qui tourne avec des plus petits réals ou des trucs comme ça, c'est tout de suite moins bon, quoi. Je pense Schwarzy, il fallait vraiment un mec qui sache lui donner le rôle qu'il fallait et le faire tourner, quoi. Mais ici, t'as l'impression que Cameron le déifie. Mais parce en que vrai, je le ferais pareil. Enfin, moi, j'aurais fait comme lui. Hein. Le mec, tu dis, tu veux une machine qui est inéluctable, qui est immortelle. Le gars, ouais, c'est ça, quoi. C'est une montagne de muscles, il a une tête toute carrée, il fait flipper à gogo. Enfin, c'est une terreur, le mec, en vrai. Ouais, comme tu dis, c'est un boogeyman de ouf, quoi. Dont Cameron, non seulement le film, le mais film, le met tout en scène, ça, ouais. Tu te dis, ouais, il veut qu'on comprenne que c'est une machine hors norme, inéluctable, que tu veux, que tu ne peux pas l'arrêter. Mais tu sens que lui, en tant que personne, a été séduit par Schwarzenegger et veut le mettre en valeur. Il n'essaie pas de le ridiculiser du tout. Non, c'est ce qu'il disait justement pendant le... Comment dire le, les... Oh merde, je perds mes mots. Les essais. Scenes. Ouais, et puis pendant les essais, les castings, tout ça, c'est qu'au départ, il ne voulait pas en entendre parler. Puis en fait, de discuter avec lui et tout, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était un mec qui était intéressant, qui était cool. Puis ouais, lui, il a dit, il a vu le Terminator sur ce gars-là. Et pour lui, il a vu Terminator. Ah ouais, mais tu ne peux voir que ça. Et c'est un peu dommage parce que du coup... il a quand même beaucoup trop traîné dans cette saga au cours du temps. Il aurait peut-être pas dû. Parce que maintenant, on le rappelle sans doute. Ah, tu veux revenir en tant que... Parce qu'on va t'écrire un petit rôle. Tu vas prendre soin des petits animaux dans la forêt. Tout, ce sera bien, tu verras. C'est devenu n'importe quoi, tu vois. Si t'es un peu... Alors ça, pareil, ça peut faire jaser. Si t'es un gros puriste, pour moi, il fallait s'arrêter aux deux, c'est tout. Ça n'avait pas besoin d'aller plus loin. J'ai même de vagues 3, souvenirs hein. d'avoir vu le 3. Il me semble, c'est avec une meuf, c'est ça, qui, ouais. qui est liquide. Oui, et puis il n'y a pas Edouard Furlong. Ouais, mais... Alors le 3, sur le fond, je pense comprendre ce qu'il voulait faire, mais ils auraient dû s'arrêter aux 2. Enfin, pour moi... Schwarzy aurait dû s'arrêter au 3, en tout cas. Il c'est un peu dommage qu'il se soit enterré dans ce truc. Mais c'est voilà. Ça joue un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est John Landis qui disait de... Justement, parce que quand il parle dans les bonus, il parle de Terminator, puis il disait qu'est-ce qu'a fait Terminator, qu'est-ce qu'a apporté Terminator. Ben, Terminator, ça a apporté à un Autrichien bodybuildé gouverneur de Californie. Voilà ce que, voilà quoi, qu'est-ce qu'a apporté Terminator. Mais non, moi j'adore l'ambiance de ce film qui est hyper sérieux, contrairement. J'adore le 2, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais c'est pareil, c'est comme Alien et Alien 2, quoi. Ça va dépendre de ton goût, d'un coup tu vas préférer le 2, mais moi j'ai vraiment une grosse affection pour le Terminator 1, parce que je le trouve vraiment... Il fait peur. Moi c'est un film qui fait peur dans le sens où... le truc est inarrêtable, t'as rien, il bute tout, il en a rien à foutre... Le jeu de Schwarzy. Bah c'est ça, il s'en fout avec ce qui se passe, ouais, avec c'est les ça. Flics et tout ça. Il les bute, il s'en fout. Et la scène du commissariat, elle est ouf, quoi. La scène du commissariat, en vrai, ouais. Elle est ouf, quoi. Tu fais putain la vache, tu débarques là-dedans, il flingue tout le monde. Et là, tu sais que, ouais, il n'y a rien qui arrêtera sa mission, quoi. À part le détruire, quoi. Et le problème, c'est que tu sais pas comment tu vas le détruire, en plus, quoi. Non mais même juste le petit dialogue quand il arrive pour la première fois et qui dit juste je reviendrai et qui revient mais genre littéralement 25 secondes après en fonçant dedans avec la bagnole, tu fais ah oui d'accord, lui il a pas le temps en fait. Schwarzy il disait il voulait pas le dire parce qu'il avait du mal à le dire, le I'll be back, et il a demandé à Cameron pour changer la phrase. Il dit écoute non, moi je galère. Il dit, non tu vas bosser mais tu me sors ça. Et il disait, donc des fois, sur le tournage, il se baladait et puis il répétait 90 fois « I'll be back » pour que ça puisse sortir comme il voulait, quoi. Et cette scène est devenue... Enfin, cette devenue iconique, quoi. Cette réplique culte du cinéma. « I'll be back ». Terminator. Bon, ben, Thomas, je pense que toi, t'aimes bien aussi, hein. Oui, évidemment. Alors, je dois avouer que j'ai quand même une plus grande tendresse pour la suite, pour le 2. C'est peut-être dû aussi à la débauche de moyens qu'il a pu avoir pour, ouais, le 2, pour ouais. faire. Bah, ouais, il passe à 115 millions de dollars en 91, c'est un truc de dingo. Comme budget, c'est un truc de dingo. En termes de budget, à l'époque, c'est le plus gros... C'est le plus gros budget ouais. Voilà. Mais il a souvent, Cameron a souvent monté des paliers et comment c'est, sur certains de ses films, il a souvent été le plus gros budget du cinéma à certains moments. Il le prouve encore avec Avatar. Mais... Quand tu vois qu'il passe de, allez, on va arrondir, il passe de 7 millions pour le premier à 115 millions pour le 2 quand même. Hein, tu fais ouh. Mm-hmm. Mais effectivement, le premier, déjà, a le mérite d'être le premier. Il pose les bases de l'histoire et des persos. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est le film qui fait la carrière de Schwarzenegger. Ouais. C'est sûr. Juste en utilisant 70 mots dans 1h40 de film, c'est ça qui est drôle. Petit truc que j'avais pas repéré auparavant, au départ je me suis posé la question, je dis oh je le connais quand même par cœur, est-ce que je vais me le remater et tout, puis bah effectivement pour le plaisir je me le suis rematé il y a 3 jours voilà pour bien me le remettre en tête et bien m'en a pris puisque la boîte de nuit dans laquelle Kyle Reese rencontre Sarah Connor et donc où le Terminator débarque voilà s'appelle Tech Noir. et qui est le nom du bouquin qui a été sorti l'année dernière, je crois, qui parle de toute l'œuvre de Cameron, tu vois. Ouais. c'est marrant qu'ils aient gardé ce nom là particulièrement pour ça. J'étais là, je dis oh mais Tech Noir, mais j'ai déjà vu ça dans une librairie. Et puis alors je trouvais un peu moins au revisionnage justement il y a quelques jours, mais dans mon imaginaire, tu vois, le premier film était resté un petit peu comme une production. On aurait, à un moment, j'aurais presque dit que c'était un téléfilm, tu vois. C'était un petit budget, hein, pour le coup, à l'époque. Ouais, c'était pas gros, hein. Et c'est marrant, fait un petit peu peu de caméras, peu d'angles, etc. Et puis tu te rends compte quand même que le talent du mec fait que même avec peu de moyens il arrive à faire des trucs qui sont top. Sachant qu'en journée, oui, ils avaient les trois quarts du temps, enfin il n'y a pas beaucoup de scènes de jour de toute façon, quasiment tout est filmé de nuit, mais le jour où ils avaient les trois quarts du temps, ils n'avaient même pas les autorisations de filmer. Ils disaient, ils débarquaient avec les caméras, ils avaient les fringues dans la bagnole, ils changeaient en 4-2, ils jouaient la réplique, ils se cassaient, quoi. Donc c'était vraiment... Puis il y a tellement de trésors d'ingéniosité. Quand tu vois la scène du camion qui explose, c'est une réplique d'un camion ou un 6, en fait. C'est une maquette, tout est une maquette, quoi. Et quand tu le vois, tu dis, ah vache, faut le voir quand même, que c'est une maquette. Ça fait un gros boom quand même. Et pareil, ça a été des emmerdes, parce que donc c'était une grosse... Alors ils avaient reconstruit toute la rue en format un tiers, le camion en format un tiers ou un sixième, je sais pas. Enfin bon. Et alors, il disait, il voulait, pour que ça pète, il voulait pas une grosse explosion. Donc, il voulait que ça pète comme en chaîne. Donc, ils avaient foutu dans la réplique de la remorque, ils ont mis, 40 ou 70 explosifs là-dedans, mais qui devaient péter en chaîne. Et en fait, donc, ils disent, on lance le bordel. Donc, c'est un treuil qui tracte le camion devant avec un câble pour le faire rouler. Et puis, il dit, hop, go. Donc, il lance le câble, l'autre, il lance l'explosion, manque de peau, le câble, il tire trop fort, il arrache tous les essieux du camion. Tout qui explose. Bon, faut tout recommencer. Allez hop, 48 heures, les mecs à remonter une maquette, repeint des compagnies de bordel, pour que ça soit plus 48 heures après pour pouvoir recommencer la scène. Quoi. Et c'est des trucs, ça me fait délirer. Quoi. Et tu dis, c'est que de la maquette, quoi. Et quand tu vois l'enchaînement du montage, tu vois que du feu. Hein, ouais. Ouais, la scène de poursuite avant qu'il se fasse arrêter et emmener au commissariat, la scène de poursuite en voiture, elle est entre le moment où ils sont cachés dans le parking et ça se finit par l'accident, elle est top aussi. Non, c'est franchement le film est bien, enfin est vraiment bien fait. Tu vois que Cameron, c'est ce qu'il fait, on peut le critiquer sur Monsieur Blockbuster, mais il sait ce qu'il fait, ouais. C'est clair. Et c'est son dernier film, m'a franchement déçu, mais pour tout ce qu'il a fait avant, franchement, j'étais, c'est son cinéma me plaît bien quand même. Ouais. Le truc qu'il y a, c'est que même entre guillemets, quand ce qu'il fait, on va dire, t'aimes pas. Ça apporte quand même quelque chose au cinéma, c'est ça qui est fort, quoi. Alors ça sera technique très souvent, mais je veux dire, tu vois, Titanic, il a ramené des trucs pour Titanic. Avatar, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, il a emmené les technologies 3D machin, enfin il a emmené tous ces trucs à lui. À chaque fois, il faut qu'il apporte un truc en technologie, quoi. Et là-dessus, il est vraiment, il est costaud, vraiment. Flo, tu nous as pas donné ton avis. Non, est-ce que t'es positif? Je parie que oui. C'est de l'action, c'est tout ce que t'aimes bien. T'as Schwarzenegger dedans. Il est trop classe. Avoue que t'aimes bien. Non, j'ai pas aimé. Bagarre, explosion. Non, bagarre. Non, qu'est-ce que tu veux que je dise? D'ailleurs, je commençais par faire mon mea culpa sur ce que j'ai dit tout à l'heure où, effectivement, je dis que Kyle Reese ne sert à rien. Non, clairement, non. Puisque, littéralement, si il en est pas à être enrôlé par John Connor qui lui raconte l'histoire de sa mère, que lui idéalise la mère au point d'en tomber amoureuse et qui finit par coucher avec, il n'y a pas de John Connor, donc il n'y a pas d'histoire. Ce donc, qui est non, hyper chelou important. Quelque part, tu vois. Je suis là, est-ce que c'est pas un petit peu consanguin, bizarrement? Pas consanguin. En quoi c'est consanguin? C'est chelou il que un mec qui idéalise, parce que John Connor, c'est un peu le mec qui lead l'existence. Il le sait pas. C'est... Kyrie, il ne sait pas que c'est son père, que c'est le père de John Connor. C'est lui le père. Il meurt avant. Il le sait jamais. Parce que c'est, pour lui, c'est une héroïne et c'est elle qui a monté tout ce truc-là. Mais lui, il ne le sait pas et il ne l'apprend même pas, en fait. Non, ok, peu importe que eux le sachent, mais si tu te dis, ok, le destin voudrait que, tu te dis, c'est quand même tordu à mort comme histoire. Que le destin voudrait que... Après les paradoxes là-dedans, c'est toute l'histoire du paradoxe temporel. Le voyage dans le temps, de toute façon. Voilà. Déjà, si tu cherches un semblant de logique vraiment pointu, Tu rentres sur les très très souvent sur les paradoxes dans les films de voyage dans le temps, c'est un bon sens. Bon, je viens dans Terminator, il y a la moitié des trucs, ça collera jamais, hein, ça va pas. Mais non, c'est imbitable parce que les machines ne peuvent pas exister si le Terminator ne remonte pas le temps. Il ne remonte pas dans le temps. Déjà, tu pars du principe-là, c'est pas possible. Voilà. Dans tous les cas, tu auras toujours un paradoxe. Bah oui, puisque dans le 2. Le voyage dans le temps, même si ça peut être un truc hyper simple, mais ça ne le sera jamais, t'as toujours un petit rouage qui fait que ça va créer un paradoxe, qui fait que ça pourra pas expliquer ce truc-là, parce que sinon tu peux pas remonter le temps et machin, et du coup c'est un bordel sans nom. Ouais. Parce que tu te dis, le 2 il existe parce qu'il y a le 1 de Terminator au final, mais le 2, le futur existe parce qu'il y a eu le 1, parce que comme il dit Tom, si le mec était parvenu, ils auraient pas trouvé le bras, ils auraient pas trouvé la puce, ils auraient pas pu faire Cyberdyne, ils auraient pas pu faire Skynet, et Skynet exactement. Et les machines, ils auraient pas pu comprendre le contrôle, donc oui, ça a ni queue ni tête, au bout d'un moment, c'est l'œuf ou la poule, quoi. Qui sait qui arrive en premier. C'est le serpent quoi. Qui se mord la queue et c'est pas possible, en fait, voilà. Mais donc, tu peux démonter le principe très facilement, effectivement, donc il faut accepter cette suspension d'incrédulité, voilà. C'est comme ça. Ah, mais je rejetais, je trouvais que ça se tenait, par contre, je trouvais ça tordu que le père, parce qu'en gros, le chef de la résistance, John Connor, il est pote dans le futur avec son père. Oui, mais il sait pas que c'est son père. Non, il sait pas, mais c'est tordu à mort, tu vois, t'as l'amitié avec ça. Ah non, il sait pas que c'est son père, mais John Connor, quand il envoie Kyle Reese dans le passé, il l'envoie parce qu'il sait que c'est... parce que sa mère lui dit. Sa mère lui dit que c'est son père. Ah, ok, bon, ça, je savais pas. Aïe, aïe, aïe, aïe. Oui, quand elle enregistre, à la fin... Elle le dit à la fin, quand elle enregistre... Ah, je croyais qu'elle disait, je sais pas si je dois dire qui est ton père, ouais, voilà. Ouais, et puis en fait, il dit, mais si, en fait, il faudra que je t'en parle, etc. Machin, et dans le 2, de toute façon, ils disent, John Connor en parle, il dit, ouais, il est pas encore né, machin, et je sais que je vais devoir le renvoyer dans le passé, parce que sinon, j'existe pas. Ouais, mais si t'avais cette connaissance-là, est-ce que tu créerais une telle amitié, sachant que cette personne va probablement devoir avoir des relations sexuelles avec ta mom? Je pense qu'il le garde sous son... Il préfère l'avoir en ami et sous son aile pour être sûr de le protéger, parce que s'il meurt, il n'est pas... Il y a pas vraiment le choix parce que effectivement c'est ce qu'il dit, c'est t'as beau dire il va quand même avoir une relation avec puis après quand t'es un gamin c'est ça ou alors t'existes pas. C'est normal que papa il aille dans maman si il y a un gamin. Est-ce que Skynet existe at all? Théoriquement non, puisque s'il n'existe pas. Du coup, s'il n'existe pas, tout ça. T'as aucun intérêt d'envoyer un Terminator. Mais en fait, tu peux reboucler. Non, parce que tu peux reboucler tout le temps. En fait, tu peux reboucler sur plein de trucs comme ça, en fait. Et puis, si c'est pas la naissance de John Connor, c'est quelque chose d'autre, puisque les machines, elles sont déjà. C'est ce qu'ils font dans le 3. Tu dis que c'est du déterminisme et qu'en fait, tout est prédestiné. Peu importe ce qu'on fait, il y aura quand même le Rise of the Machines. C'est ce qui se passe dans le 3, en fait. Pas forcément, mais là, ce que je veux dire, c'est que les machines sont déjà là. C'est pas un truc qui a été inventé parce que John Connor, il s'est dit, ou Sarah Connor s'est dit, ouais, je vais me rebeller, machin. Les machines, elles sont là. Oui, mais est-ce qu'elles atteindraient la même singularité si dans la réalité... T'as un peu le côté inéluctable, c'est ce que t'as dans le 3, puisque théoriquement, à la fin du 2, normalement, quand le 2 est fini, Skynet est censé être mort, puisqu'ils ont détruit la puce, ils ont détruit le bras, Schwarzy s'auto-détruit pour justement qu'il reste pas, et je sais plus comment il s'appelle, le Black, il se bute, enfin il meurt, et il détruit tous ses travaux justement pour pas que... Et au final, dans 3, tu te rends compte que c'est inéluctable, parce qu'ils ont quand même réussi à faire des machins, et qu'à la fin du 3, t'aboutiras quand même à cette fameuse guerre atomique lancée par les machines. Donc au final, le 2 n'a servi à rien, quoi. Donc tu te dis que tu pourras boucler sur tout ce que tu veux tout le temps, en fait. Le truc, c'est que c'est difficile de construire un film singulier, un seul film, sur le concept d'une boucle temporelle sans te prendre trop les pieds dans ta vie, comme on dit. Si tu veux construire une saga de films, ça devient complètement. Bah, c'est pour ça qu'il fallait s'arrêter. Tu t'arrêtais aux deux, c'était plus simple. Mais non, là sur le premier, effectivement. Après, si on commence à prendre toutes les petites particularités de l'univers et au final, dans le 2 il y a ça, dans le 3 il y a ça. Si, effectivement, tu t'en sors plus. Mais est-ce que Schwarzy est badass? Yes or no? Bien sûr qu'il est badass. Voilà. Mais pourquoi est-ce que ça... il y a même pas à poser la question. Et voilà, est-ce que ça n'est pas suffisant? J'ai envie de te dire que de 82, 83 jusqu'à 95, il y avait que lui qui était badass. Avec 96 peut-être. Voilà, après, c'est... elle, je la trouve aussi super badass. Alors, plus dans deux, mais je... En femme, bien. D'accord, mais en homme, à cette époque-là, jusqu'à au moins deux sur True Lies, c'est Schwarzy. Bah, surtout quand il devient l'espèce de gentil héros de l'histoire. Oui. Parce que dans le premier, je dirais pas qu'il est bad... Enfin, si, il est badass, mais badass, c'est un compliment. Je dirais plus, il est terrifiant dans le premier. Parce que dis que... S'il n'était même que humain, je me demanderais comment j'arrête cette machine. Parce qu'il est énorme. Il est que de muscles. C'est que des muscles. C'est une montagne. Alors, s'il est humain, c'est une balle dans la tête. Oui, ça marche. Grand ou pas, ça marche. Oui, s'il est humain, je pense qu'il ne ressort pas du commissariat. Oui, ah oui, ça c'est sûr aussi. Ouais, ok. Mais j'en sais rien, parce que s'il était que humain, ils auraient trouvé une... Personne ne bat Schwarzy, c'est un peu dans son contrat, donc a priori, il doit toujours s'en sortir. Bah, que les balles, elles vont ricocher au début de sa carrière. Bah non, la preuve, techniquement, il meurt dans Terminator. Ah oui, dans Terminator, il se fait bien. Bah, est-ce qu'une machine meurt jamais? Alors non, de base. Bah en fait, quand tu vois le Salvation, tu te rends compte que c'est un moule où ils sont tous comme lui, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est un T-800, puis ils mettent la peau de Schwarzy, quoi. Ouais. Ça avait été un des... Alors, il y avait pas Internet à l'époque, mais ça avait été un des trailers de Terminator 2, où en fait, il durait 20 secondes. Et en fait, tu voyais une usine de fabrication des T-800 avec un truc qui se refermait et qui se rouvrait. Et t'avais Schwarzy qui apparaissait, où il mettait la peau et le visage de Schwarzy sur les T-800. Mais bien sûr, parce que c'est des machines. Si elles avaient la technologie de créer des cyborgs comme ça, elles vont pas se casser la tête à créer 50 moules. Un seul moule, ça ira très bien. Ben elles s'en foutent. Elles peuvent à la limite faire 2-3 skins différents parce qu'au bout d'un moment tu dis diversification. Non, mais même pas ça. Voilà, parce que tu dis si t'envoies toujours des Schwarzy, au bout d'un moment ils vont se dire bon, bah dès que tu vois un Schwarzy, tu sais que c'est un Terminator quoi. Donc histoire de peut-être camoufler un peu, ils peuvent faire mais dans le comment dans le premier là, dans le Terminator, dans le flashback, celui qui débarque et qui est repéré par les chiens, c'est pas un Schwarzy, c'est pas un Schwarzy, c'est un autre modèle. Ouais. Après, t'en as eu plein. C'est pour ça qu'il le dit. Ils sont difficiles à repérer. Ouais. Et il est obligé d'attendre la première attaque pour savoir qui c'est. Quoi. Et en plus, il saigne et tout. Donc, si tu avais un couteau pour te défendre, tu saurais même pas que, en fait, en dessous de. Mais c'est ça que je trouve qui est vraiment. Tu demandes au punk. Tu demandes au punk avec les fringues. Hein, il va te dire le couteau. Ça a pas bien marché. Ils se font exploser. Ça, c'était hyper jouissif cette scène. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils m'avaient rien fait, les punks en soi. Mais Jess, quand elle s'emmerde, elle va tuer des punks. Les punks, en vrai. C'est les futurs à mort, quoi. Disperser des rumeurs complètement absurdes sur moi. T'as quoi qui m'a fait rigoler? Ah oui, tout à la fin, quand elle est dans la station, là, qu'elle discute avec le mec. Au début, elle lui demande de faire le plein, puis le mec, il lui dit « Ouais, je parle pas anglais ». Et puis, elle lui dit « Ouais, sans ce machin », puis deux minutes après, le gamin, il vient faire des photos, puis le gamin, il lui parle en espagnol, puis elle lui dit à l'autre, il a dit quoi? Il a dit « Il y a une tornade qui arrive ». J'ai envie de dire « Bah, on peut savoir ». Tu parles anglais ou tu parles pas anglais? Ouais, non, mais en fait, c'est juste une phrase sur deux où je parle anglais, ouais, sinon le reste. Ah, ça fait partie des paradoxes temporels. Ouais, ça doit être ça. Mec a appris l'anglais dans le 2, il devait réapparaître en fait. Storm, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait. À ce qu'on soit tous du même avis sur ton film? Ouais, honnêtement, oui, je pense qu'on. Film facile. Ouais, non, là clairement, c'était. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est difficile de pas aimer Terminator quand même. Oui, bah on verra le prochain enregistrement si je frôle le film facile, tiens. Aïe, aïe. Là, c'est plus moi qui serais coupable. Après, c'est parce que j'ai dû revoir mon choix. Tu vois, vu que le film que je vous avais donné, enfin que j'avais choisi, j'ai été voir le trailer et j'ai eu peur pour tout le monde. Et... Du coup, j'ai changé. Et mon choix sera facile, mais on s'en fout. On en parlera quand même au prochain épisode, je pense. C'est nécessaire. Ouais, après, c'est difficile de causer de Terminator parce que j'ai l'impression que tout a déjà été dit et redit et redit sur cette saga, sur ce film, sur Cameron d'une manière générale aussi, parce qu'il est un petit peu polarisant. Ouais, oui. De toute façon, c'est quelqu'un qui laissera pas indifférent. Généralement, Cameron, les mecs, quand on entend parler, c'est soit il est génial, soit c'est un con. C'est un peu rarement. Il n'y a pas de juste milieu. Avec il est gentil, mais quoi, c'est normal. C'est des mecs qui sont ultra perfectionnistes. De toute façon, c'est des gars, ils savent ce qu'ils veulent à fond. Donc tu bosses avec eux. Soit tu marches comme eux et ça se passe très bien. Soit si tu marches pas comme eux, c'est clair que tu vas pas arrêter de t'engueuler avec des gars comme ça. Mais parce que lui, c'est ce qu'il veut. Je pense que c'est pas un mec entre guillemets facile avec qui bosser. Mais je pense que si t'es dans la même direction que lui et que tu marches comme lui, ça doit être un bonheur de bosser avec un mec comme ça, par contre. Je l'ai vu récemment dans une interview où lui donnait son avis sur ce qui s'est passé avec le Ocean Gate, tu vois le sous-marin. Ah, le POC. Celui qui a fait POC. Parce que lui étant un gros accro à la plongée. Ah, bah lui aussi, il plonge. Il a construit, alors pas tout seul, mais aussi des sous-marins pour aller très très très bas. Et il donnait un petit peu, je sais pas, son opinion d'expert, c'est un petit peu bizarre de dire ça, parce qu'il y a des tas d'autres experts dans le domaine, mais apparemment... Ouais, mais il est calé, hein. Oui, il est calé, et il parlait de théorèmes hyper poussés. Donc je sais qu'il... Quand il prend un sujet, en général, il le bosse, hein. Ouais, il est pas... Bah, il plonge, lui, pour de vrai, en plus, quoi. Oui. Je sais même pas si c'est pas lui qui avait des records de plongée, enfin, je sais plus quoi, enfin bon. Mais... Il en a un, mais c'est un record en sous-marin, tu vois. Ils sont descendus... Ouais, en sous-marin. Dans la fosse des Mariannes, je crois. Ouais. Bah oui, c'est là que tu peux aller plus loin, le plus bas. Enfin, le plus proche du centre de la Terre, je suppose. Ça dépend, si tu passes par le trou de la Terre creuse. Voilà. Ouais. Écoute, on en parlera quand on traitera du film The Core, Fusion. Ah oui. Hein, là... Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, monsieur. C'est avec Aaron Eckhart, ça. Hein. Ouais. C'est ça, ouais. Ah, c'est un vrai truc. Mais oui. Oui, ils font un train qui perfore le sol pour aller au centre de la Terre. Ils vont au centre de la Terre pour redémarrer le noyau, pour relancer le noyau terrestre. C'est fantastique. Il y a un chinois qui a un petit peu un concept, alors pas le même, mais pas très loin. Pas le même, mais presque pareil. Non, un truc aussi, parce que ça se passe pas dans un train, c'est dans un avion et il y a des serpents dedans. Mais non, c'est plus ils doivent. Seule similitude. Ils doivent bouger la Terre. Dans l'espace, enfin, la Terre ne peut pas rester là où elle est, donc il faut propulser la Terre. Ah oui, c'est The Wandering Earth. Yeah. Oui, bon, c'est de la merde, ça. Oh, c'est trop bien. Mais non, arrête. Mais oui. Non, alors que là, dans Fusion, ils vont creuser avec leur train foreuse, là, c'est top. Dans le centre de la Terre. C'est du level de Michael Bay. Non, c'était Michael Bay qui avait fait le truc Armageddon. Ouais, Armageddon. Oui, c'est ça, c'est le même niveau. Ouais, c'est du film. C'est le film catastrophe comme ça, oui. Oui, c'est du film catastrophe. Ouais. Pas destruction porn, mais pas loin. Hein. C'est... Destruction porn. Bon, quoi. Dans mon souvenir, t'as le noyau centre de la Terre en effet spéciaux, ça faisait mal aux yeux, hein, dans mon souvenir, il me semble. C'est pas foufou. Hein. C'est clair. Sur ces paroles qui n'ont plus rien à voir avec quoi que ce soit, est-ce que ça vous tente de passer au Reco Actu Goodbyes? Oui. Ouais. Tout à fait. Parce qu'on a le choix, vraiment. Oui, de toute façon. Oui, parce qu'il va falloir laisser Storm aller se coucher après. Ben oui, on a une timeline. Après, on peut reporter Storm, si tu veux. Oui, on peut reporter, ça marche. On peut reporter l'enregistrement, si t'as envie, hein, c'est sûr. Thomas, tu me fais chier. Thomas, vas-y, balance une recours. Oh là là. Mais quelle gratuité dans les attaques. C'est un montage que des insultes, en fait. Tu viens de te moquer de moi. Le pire, c'est que c'est moi qui ai lancé le premier. On peut reporter. Et c'est toi qui as insulté, c'est fou. J'ai toujours l'impression que ça vient de Thomas parce qu'il parle le plus fort. Ouais, voilà, ça doit être ça. C'est vrai, rien tu sais, ce qui est bien, c'est qu'on peut dire n'importe quelle connerie, maintenant c'est toi qui va prendre. Ouais, c'est clair. Il y a des choses. Non, mais de toute façon, les gens avec qui on interagit savent que The Evil. Jess is the evil. Jess Evil. Est-ce que je dois pas entendre? Vas-y. J'ai une petite reco. Alors, désolé pour tous ceux qui vont nous écouter et qui ne sont pas habitants de la belle ville de Nantes. C'est assez centré sur Nantes. C'est un spectacle auquel on a été assisté pas plus tard que cette semaine, qui s'appelle Le Petit Détournement. Voilà, c'est au Théâtre Sans Nom à Nantes. Ils ont des représentations deux ou trois fois par an. Et c'est une troupe d'acteurs qui fait de l'improvisation sur des séquences de films. Oui, j'en ai entendu parler, ça a l'air trop bien ça. Et c'est à mourir de rire. Ils ont un vrai talent, c'est incroyable. Ils sont vraiment très très doués. Tu as des fois des séquences de films dont tu n'as jamais entendu parler et des fois des films très connus. Ils ont osé faire une impro sur une séquence de La Liste de Schindler. Je dis putain faut être costaud quand même. Question, quand tu dis qu'ils remettent en scène certaines séquences de films, est-ce qu'il y a un écran derrière eux qui reprojette la scène ok. Tout à fait, il y a l'écran qui projette la scène et eux ils ont un retour devant, parce qu'eux ils font face à la salle aussi, ouais. Donc ils ont un retour devant eux pour voir, pour voir la scène. Ouais, et ils font de la post-synchro dessus, mais en improvisant. Il y a zéro son, c'est-à-dire que eux ils font les voix et tu as un ou deux icos qui font de la musique d'accompagnement à côté. Okay. Et le maître de cérémonie donne un thème à l'improvisation qu'ils doivent faire. Donc voilà, pour donner une idée, la scène de la liste de Schindler qu'ils ont massacrée, hein, y a pas d'autre mot. c'est à la fin du film quand Oscar Schindler fait ses adieux dans l'usine et qu'on voit les soldats allemands qui s'en vont et tout. Et la thématique c'était on fait l'assemblée générale de la chorale de l'usine. Aïe, aïe, aïe. T'imagines, et le mec était tout seul, donc le mec à doubler était tout seul, et il nous a fait un truc, mais on était morts de rire sur une des séquences les plus tristes du film, quoi. C'était totalement lunaire, totalement barjo. Et cette troupe-là, on a découvert ça il n'y a pas longtemps, et donc on avait pris nos billets pour aller les voir. Ça fait juste 10 ans qu'ils existent, et qui font ça en fait. Et donc 2025 ils fêtent leur 10e année en octobre ils ont la soirée de gala de leurs 10 ans où ils nous ont teasé que ils faisaient venir des vraies voix de doubleurs français de cinéma. Donc il faut absolument qu'on prenne nos billets là ce week-end parce que je ne veux absolument pas rater ça, quoi. C'est pour entendre des voix connues, tu sais, de doublage et tout, c'est... Ça a l'air génial, j'avoue. Donc le petit détournement, si un jour vous êtes de passage à Nantes ou que vous venez spécialement à Nantes pour voir en ça, octobre, n'hésitez je pas, pense. Parce que c'est... Est-ce qu'on peut loger Flo, chez toi si tu veux venir... Oui, vous pourrez. Oh vous yeah, si moi si vous voulez aller voir ça. Oui, mais non, toi, on te mettra peut-être à la cave ou dans le grenier, on verra. Ok, mais dans une maison, quoi, avec un toit. Oui, mais on n'est pas des bêtes quand même. C'est classe. Une paillasse. Une belle paillasse. Une belle paillasse dans voilà, la Voilà, donc c'était Marocco. Merci beaucoup. Et on y est allé, tous les baby graveurs étaient là-bas pour aller voir ça. C'était, voilà, c'était orienté cinéma, donc ça a plu à tout le monde. Flo, une petite reco. Oui, une petite reco, une reco série qui a déjà deux saisons, que j'ai découvert sur Amazon Prime chez nous, qui s'appelle The Devil's Hour. C'est une série avec Jessica Rain, Peter Capaldi. Et en gros, ça raconte l'histoire de Lucy Chambers, qui est assistante sociale et qui des fois a quand même des petits flashs d'une vie qui n'est pas forcément la sienne, mais qui est quand même la sienne. Donc, est-ce que c'est univers parallèle ? Est-ce que c'est un autre truc ? Est-ce que c'est sa vie ou pas sa vie ? Et en fait, ça commence parce qu'elle se réveille tous les soirs à 3h33, donc l'heure du diable. Mm-hmm. Et est-ce qu'il n'y a pas un gamin chelou dans cette histoire aussi ? Si, il y a un gamin chelou. Ouais, justement. Et je me suis bouffé là les deux saisons en l'espace d'une semaine et demie. Donc, ouais, j'ai bien aimé. Ah, binge. Gros binge. C'est bingeable. Ouais, un petit binge. Voilà. Merci à toi, Storm. Oui, alors moi c'est une reco bon, qui est connue, mais je me suis rematé cette semaine Angel Heart, donc que j'avais pas vu depuis un petit moment là, d'Alan Parker, donc avec Mickey Rourke et Robert De Niro. Et j'étais très content de le revoir. Voilà. Quel film de dingo. Ouais, franchement, ouais, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et j'ai ouais. Putain, c'est quand même ça parle de balèze, quoi. C'est. Alors en fait tu vas non, suivre. Faut que tu le regardes en fait. Ouais. C'est... Je vais pitcher faut juste, pas trop dire. Mais pour voilà, donner ouais. envie juste aux le début. Et ben tu vas suivre Mickey Rourke, donc qui est un détective privé, un bon polar, un bon détective privé à l'ancienne là, qui fume des clopes, ouais. Voilà, qui va bien. Qui boit. Ouais. Qui boit. Mickey Rourke quoi. Qui est copain, qui est copain avec ses secrétaires, avec ses machins et tout ça. Enfin voilà. Et en fait, il va être embauché par un mec pour retrouver une personne. Ok, voilà. C'est la prémisse du film. Ok, donc on est plus ouais, sur après, il faut pas trop... Faut pas trop, faut pas trop en dire, ouais. Ok. Moi, ce film-là, quand je l'ai vu, à la fin du film, je crois que j'ai, pendant 10 minutes, j'ai tourné autour de ma ouais, table basse en me disant « Qu'est-ce que je viens de voir ?» À ce point ? Qu'est-ce que c'est que ce film ? Ah ouais, maintenant, c'est... Avec De Niro c'est et un film de Mickey Rourke, ouais. Franchement, ouais. De 87. Donc Mickey Rourke est pas encore trop. Non, il ressemble encore à Mickey Rourke. Ouais. Okay. il ressemble encore à un humain. Il ressemble pas à un boxeur. Voilà, il ressemble encore à Mickey Rourke. Là. Non, ouais. Il ressemble voilà. encore à Mickey Rourke de 9 semaines et demie. Ouais. J'étais très content de remater là. Pour le coup. Et moi, toi, Jess, qu'est-ce d'un que t'as à nous film proposer qui... Alors peut-être que Flo, je me dis, il y a des chances que tu l'aies vu et tu auras peut-être le titre en français. Mais en anglais, c'est Marcel, c'est chaud parce que et son orchestre. Marcel de Shell with Shoes On. Marcel, ouais. Le coquillage avec des chaussures ou Marcel, je sais ah, pas trop non, comment pas ils vu, sont traduits. J'en ai entendu parler. Ah, c'est le truc oh, que t'as Marcel mis avec le. Ouais, alors la c'est jaquette, en. Là. Ouais, avec un petit. Ou ça vaut pas nous, ça vaut pas nous trois, c'est ça? Ça c'est vaut pas. Ouais, alors. Ouais, c'est ça, hein. Je vois ouais, que okay, tu fais référence. Parce que oui, j'ai dit que c'était une perfection absolue. Et quelqu'un, un auditeur, nous a dit est-ce que c'est aussi parfait que vous trois? Et j'ai dit même vous trois oui. combinés, vous atteignez pas le niveau du film. Mais c'est pas une insulte sur vous, c'est juste que le film, le niveau oh bah du non, film est tellement au-dessus. Un petit peu quand même. Enfin, c'est juste de la violence habituelle dans les ok, prenons-nous tous pour des badass. Et sur les chaînes non, de Terminator, il est où ton créatifs, machin Terminator, il marche dessus, il écrase ton putain ouais, de coquillage ouais, de merde, ok. Il le marche, il crache comme ça là. Oh mon petit cœur. Le pauvre petit coquillage, parce qu'en plus, le mais petit c'est un... coquillage. C'est un. Comment c'est un mini. C'est un Bernard Lermite. Un court-métrage, ça, non? Non, alors c'est un film, un c'est une heure et demie. C'est un film qui a été réalisé par Dean Fleischerkamp. Et alors, moi, son nom ne me disait pas grand-chose, mais il est aussi derrière des films comme Lilo et Stitch. Ok. Ça vous parle pas trop, Lilo et Stitch? Bah, si. Mais l'animé ou, l'animé ou les remakes pourris là. Non, l'animé. Okay. Mais moi je le connaissais pas plus que ça ce mec et dans le film il joue un rôle qu'on voit peu mais je vais donner le pitch du film parce que ça sera plus facile de faire ça comme ça. En gros on va suivre un petit coquillage comme ça qui est tout mignon qui ressemble à une coquille d'escargot un peu tournée sur le côté avec un gros œil et des grosses chaussures. Et il vit tout ça. Et on sait pas trop si c'est une espèce extraterrestre ou on comprend pas trop mais on se pose pas la question. Et il vit tout seul avec sa grand-mère dans une maison. Alors, dans le temps, il vivait là avec sa grand-mère et toute une communauté de petites coquillages là, comme lui et sa grand-mère. Mais à l'époque, il vivait dans la maison avec un couple. Le couple s'est séparé et suite à la séparation du couple, ils ont perdu toute la communauté de petits êtres comme eux. Et donc, lui, Marcel, c'est un petit garçon, c'est un petit jeune gamin qui vit dans cette maison avec sa grand-mère et qui va faire la rencontre de quelqu'un qui occupe la maison en ce moment parce que la maison est devenue un Airbnb. Et la personne qui occupe la maison, c'est un être humain parce que le film est tourné à 90% en live action, mais t'as des éléments de stop motion, notamment Marcel, sa grand-mère et puis t'as trois petites araignées. T'as des petits trucs comme ça où tu te dis ça, c'est en stop motion. Et le film... pris en prend en partie où on va être sur une idée de faux documentaire, un documentaire que la personne qui est dans l'Airbnb veut poster sur YouTube parce que lui il aimerait bien être réalisateur, il vient aller, ok. Et il se dit tiens, ce petit coquillage qui s'appelle Marcel serait un sujet parfait pour ce documentaire que je vais essayer de mettre en ligne. Et nous, ça nous donne la chance de nous permettre de faire la connaissance avec Marcel, avec sa philosophie de vie totalement éternellement optimiste, mais comme c'est un petit gamin, il est aussi un peu naïf et innocent par moments, et pourtant plus vieux que son âge, parce qu'il comprend très bien que sa situation est telle que quand sa grand-mère va mourir, il va se retrouver tout seul dans cette maison, et il sera le dernier de son espèce dans cette maison, ce qui n'est pas facile à accepter. Et il y a des tas de conversations philosophiques, mais parfois drôles, parfois touchantes, parfois assez tristes, et tout ça avec des caractères, des personnages en stop motion qui sont géniaux. Le personnage de Marcel, c'est Jenny Slate qui en fait la voix, donc une femme, alors qu'à aucun moment du film, tu as l'impression d'entendre un accent ou une inflexion féminine. Elle fait beaucoup de travail de doublage. Moi, je la connais surtout pour la série. Je sais pas si vous avez regardé Parks and Recs. Oui, bien sûr, ouais. Et elle joue la sœur de du mec chiant. J'ai oublié son nom. De Jean Ralphio, c'est sa sœur. Et elle fait la voix de Marcel. Ben Schwartz, je crois. Non. Ouais, Ben Schwartz. Ouais. Et la grand-mère, c'est Isabella Rossellini qui en fait la voix, et elle est absolument géniale. Mais le film est magnifique, c'est un film que je vous conseillerais de regarder alors avec vos copines, avec vos copains, avec vos enfants, avec vos parents, avec tout le monde, parce que c'est avec de super. La drogue. Non, c'est magnifique, c'est une fable super poétique qui te donne des leçons de vie magnifiques. Et si tu étais un parent et que tes enfants regarderaient le film, je pense que les enfants vont vite s'associer à Marcel parce que c'est un enfant dans le film. Par contre, les leçons de vie que Marcel pourrait inculquer aux enfants qui regardent ce film sont des leçons de vie que tu aimerais que tes enfants puissent apprendre. C'est des super chouettes, super belles philosophies sur comment vivre certaines choses difficiles, que ce soit le deuil, que ce soit le changement d'un point de vue général, que ce soit le fait de grandir. Qu'est-ce que ça signifie l'amitié, le sens d'une communauté, d'une famille, tout ça. Toutes ces choses sont abordées et c'est juste magnifique. Et je ne peux que le recommander. Et j'espère qu'il y aura plein de gens qui nous diront « Mais je l'ai déjà vu !» Parce que ce film est superbe. Et Flo, je pense à toi. Parce que c'est sorti en salle, ça ? C'est sorti en salle en 2021 et moi honnêtement c'est un coup de cœur. Si je l'avais vu cette année-là, ça aurait été mon film. Si j'en avais entendu parler, ouais. C'est génial. Et Flo, toi, je te conseillerais peut-être de le voir, en tout cas clairement avec ta femme et peut-être avec tes enfants, parce que je pense qu'ils vont vraiment accrocher. Et toi, tu vas adorer aussi. T'aimes bien l'animation. Je pense que c'est clairement ton truc. Pourquoi Donc ouais, pas. C'est ma reco. Non mais ouais, c'est non, j'en avais entendu parler et ça m'avait. J'étais, ouais, pourquoi pas, mais je sais pas pourquoi je suis passé à côté. Les bulots. Ok, ben, je vous le recommande. C'est génial. Du coup, on passe à nos actus. Yeah. Même ordre, Tom. Eh bien, comme nous serons le 1er juillet 2025, sortie d'un épisode des Baby Graveurs, sur une soirée où nous avons regardé un film que nous n'avions pas vu, et qui s'appelle La merditude des choses, film belge que l'on sait en plus fadé en version originale, puisque c'est un belge flamand qui l'a, wow, qui l'a fait. Ouais, voilà. Donc on l'a regardé en hollandais, c'était super. C'est pas un truc où t'as envie de pouvoir sortir de ton propre corps et ne plus vivre dans ton propre corps tellement t'es déprimé en regardant ce film. Ah ouais, Brésil, je connais. Alors non, c'est pas si déprimant que ça. J'avais beaucoup de doutes sur le pitch avant avant le visionnage du film, et ça a été grosso modo plutôt une bonne surprise. Okay. Voilà, on a plutôt apprécié le film. Ensuite, voilà, c'est pas niveau de C'est arrivé près de chez vous ou de Didier Kenek par exemple, mais ça reste un bon film. Voilà, on a pris plutôt du plaisir, et voilà, on a passé plutôt un bon moment sur ce film là qu'on va recommander en visionnage. Merci à toi Flo. Tu vas faire, oui, la pub pour et vous trouvez ça drôle vraiment. Ben oui, et alors Ah mais non. Et alors. Parce que j'attends votre nouvel épisode avec donc tellement d'impatience. Nous sommes effectivement le 1er juillet, donc déjà bon anniversaire maman. Voilà. Ah, bah, bon anniversaire maman Flo. Voilà. Et l'épisode qui est sorti le 15 juin de... Et vous trouvez ça drôle, vraiment, on l'a fait, on l'a avec, fait Faudel. Avec un invité. Avec on l'a Faudel. Fait avec, avec Faudel, le petit Faudel, prince le du rail. Le roi du rail. On l'a fait avec notre Storm national, et on lui a infligé, en même temps qu'à nous, veuillez nous gêner pour, veuillez nous excuser pour la gêne oui. occasionnée. Veuillez nous gêner, c'était et on, pas et on le veuillez pense. Nous gêner aussi, et on le pense. Et veuillez nous gêner, et on le pense aussi, c'est le titre veuillez du film, mais vraiment, c'est littéralement la promesse, et ben, on s'excuse c'est... vraiment pour ce que ça... Ce que je vous ai dit, hein. Même Netflix ouais. l'enlève depuis que l'épisode 17 ouais, ouais, sort l'épisode. L'épisode n'est pas encore sorti. L'épisode n'est pas encore sorti, qu'on avait déjà des gens qui déclaraient leur amour pour ce film-là. J'ai oui, pas compris non plus, moi. Comment est-ce qu'on peut avoir de l'amour pour ce film incroyable. C'est pas possible. Ouais. Et le prochain épisode, eh bien, sortira... Le 15 juillet. Et j'ai du mal à trouver le film. Ah ouais. Oh non, t'as pas encore donc, décidé. Donc pour le moment, on l'a pas. On a décidé du film, mais comme c'est un film qui est sorti assez récemment, on n'arrive pas à le trouver, il est plus forcément au cinéma. J'ai aussi proposé à Flo, parce qu'il y a une sortie de film le 25 juin, et je dis on y va, et on enregistre deux jours plus tard, mais on a des soucis de calendrier qui font que, a priori, c'est compliqué de pouvoir le faire, mais... C'est pas tant le fait d'aller le voir, c'est surtout le fait d'enregistrer deux jours après. J'ai peur que si on enregistre encore après, je m'en souvienne plus. Oui, on n'est plus. Ouais. Vous enregistrez directement dans le cinéma. Voilà. On pourrait faire ça. C'est un vlog. Ouais. Putain, ce passage-là, c'est vraiment de la merde. Un vlog au cinéma, mais l'enfer. Je vais peut-être devoir trouver un palliatif, une solution de backup. Donc, encore en attente de savoir ce qu'on va s'infliger. Je pense que si d'ici 5-10 jours j'ai rien, je vais prendre tu vas piocher dans le Didier Bourdon, ouais. Je vais prendre un Didier Bourdon lambda. Et tu pourrais prendre du Thierry Lhermitte, tu vois, il y a matière aussi. Mais on a déjà fait ça. On a fait Sexy Génère. Oui, mais tu peux en faire d'autres, il n'y a pas qu'un seul film. Le docteur Apfelglut, vous ne l'avez pas fait celui-là encore? Ah putain, c'est horrible. C'est horrible le docteur Apfelglut. C'est vraiment un film de merde. Puis après, on va enchaîner avec Gros Dégueulasse. T'as le saut de merde qui se prend dans la gueule, c'est un peu ça. Ouais, super. Moi, je vais vous parler de Couch Lobsters, mais... Ouais. On a un épisode qui va sortir dans le courant du mois, je ne sais pas quand, j'ai pas encore fait le montage, qu'on soit honnête, qui parlait de War Dogs et de Kiss Kiss Bang Bang. Mais on va aussi enregistrer un épisode pour le mois de juillet qui parlera des films... Alors, vous allez rigoler. Alors, moi, j'ai choisi True Romance, mais mon pote Dima... a choisi le film Le Da Vinci Code que je déteste tellement et que je me suis fadée parce que historique avec ce film, moi je me le suis fadée en entier pour un épisode d'un podcast qu'on n'a jamais enregistré, donc j'ai dû subir ce film. C'est vrai, vous vous rappelez, c'est vrai qu'on n'a pas enregistré et sur le Da Vinci Code. Oui. Et je dois me le refader. Ce qui n'avait pas été enregistré. Ah oui. Parce que bien sûr, j'ai donc, tout dû le regarder. Je dois le revoir encore une fois maintenant, mais ils se foutent de ma gueule les gens, tu vois. C'est génial. C'est atroce. Je déteste ce film. À chaque fois, j'oublie tout, je m'endors devant. Et j'aurais vu au moins 5-6 fois. Oh, quand on va tomber sur la bonne date. Oh, ne le faites pas, soyez pas des méchants quand même. Trois fois. Non, parce que j'ai déjà essayé de le voir plusieurs fois dans ma vie avant, tu vois. La tentative pour le podcast qu'on n'a pas enregistré. Ouais, il y a eu trop de visionnage, j'en peux plus. Pourquoi est-ce que les gens me filent ce film, quoi? Il faut arrêter. C'est atroce, c'est le plus. On fait une spéciale Da Vinci Code pour le prochain épisode. On fait les trois. Donc, ouais. Et donc, oui, non, je n'aime pas ce film, en fait, pour expliquer. On a pu comprendre un peu. Je suis très étonné. Ouais. Storm, des petits actus de ton côté? On a un épisode qui est déjà sorti, donc qui était sur The Relic, donc de l'antre de la peur. Et on a le prochain, bon, qu'on n'a pas encore enregistré, mais qui devrait pas trop tarder, normalement, si mes souvenirs sont bons au niveau de la date. Et on a déjà dit le film, je crois, hein. C'est ça, ouais, on l'a déjà balancé. Donc, qui sera sur The Ruin. Donc, voilà. Que je suppute, Flo et Tom n'ont jamais vu. Pourtant... Non. Si, okay. Si. P- Pourtant, il y a des ruines. Non, je déconne. Ah, pourtant, il y a des ruines. En quoi est-ce que les ruines sont appealing pour Tom ou Flo? Oh, quand il y a des ruines, j'ai vu. Storm, il essaie de dire que vous aimez bien les trucs de vieux, en fait. Non, mais les interprétations, quoi. Non, les trucs des trucs divins, tu vois, les beaux temples grecs, tu vois, les statues d'Apollon et tout. Ouais, tout moi, quoi. C'était plus ça, ouais. Moi, ouais. Tout de suite, toi, les méchancetés, les trucs vieux et tout. C'est comme ça que vous l'avez pris. Si quelqu'un vient chez toi et te fait « Ouais, toi, t'aimes que les ruines », tu vas le comprendre dans le sens « Ah, il pense que j'aime beaucoup ce qu'il y a en relation avec les dieux et les colonnes grecques. » Ça dépend si c'est Storm qui me dit ça. On le sait, on le sait. J'ai mal le prendre. D'accord. C'est ce que j'avais compris. Ok, ça fait qu'on a fait nos recos, nos actus. On peut faire nos goodbyes. Yeah. Voilà. Yeah. Merci à tous de nous avoir suivis. Oui. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain. Évidemment. Ça marche. Ciao, ciao. À plus. Salut à tous. Salut à tous.